si j'ai, enfin ma dernière grand-mère, j'ai une autre grand-mère d'adoption, on va dire, mais voilà, maternelle, on va dire, enfin vraiment dans le sang et tout ça, j'ai, c'est vrai que j'ai regretté un petit peu de pas être allé plus la voir. Quand il en reste une ou un. Donc je sais vraiment de quoi je parle. Julia, t'as encore tes grands-parents ou pas toi? Non, malheureusement non, j'en ai plus. Plus du tout. Mais du coup, moi, je suis la dernière petite fille d'une famille de 10 enfants, donc du coup, moi, mes grands-parents, ils ont 120 ans. Tu vois, Napoléon, c'est mon arrière. Non, c'est bien. Donc ils sont super âgés, donc bon, voilà, c'est normal quoi. J'ai pas compris, t'es la petite dernière de 10 enfants? Je suis la petite dernière de. Enfin, mon père a 9 frères et sœurs en c'est fait. C'est pas vrai? Ouais, ouais. Non, c'est famille. Non, toi, t'as 9 frères et sœurs? Non, mon père a 9 frères et sœurs et c'est le dernier cousines. D'une famille de 10 enfants. Putain, c'est et ouf, moi, je suis la dernière de ma famille. C'est chiant, vous trouvez pas, c'est chiant. Ouais. J'ai 25 cousins. Les explications, ça devient direct. La logique. Non, mais pour dire que mes grands-parents ont 110 ans. Non, c'est vrai. Non mais je suis hyper content en tout cas que tu sois là avec nous Julia. Bah, vraiment, c'est un kiff. Tous les soirs, dès qu'elle parle, moi je suis... Waouh. On a des personnes qui nous parlaient d'arbre généalogique le soir. On se fait suf là, on se fait suf mais un coup pas. C'est énervant les mecs qui disent suf. On se fait suf mais un coup pas. Il y aura un nouveau Martin Garrix. The Name of Love, on se calera toutes les grosses nouveautés. Je vais pas tarder à m'occuper du parcheck d'Amina du Standard. Julien, je vais te mettre 5 buts dans tes fesses. Moi aussi, j'ai la voix de Bruce Willis. Quand est-ce que je passe à la radio? On va t'appeler France. On va te passer un petit coup de fil. On va te passer un petit coup de fil avec plaisir. C'est lui qui J'aime bien emmerder ton équipe, Guillaume, amicalement. Ça te dérange pas? Pas du tout, Cédric du 53. Bah, tu rigoles. Moi, ça me dérange, mais bon. T'as cru qu'on avait un bail dans le fion, quoi. Tu peux y aller. On fait de la vraie radio, on parle. Donc, sauf mea culpa. Il est là. On se le calme maintenant. Juste après, on fait le jeu de Flo des cadeaux. Ouais. Venez, est-ce que vous avez déjà une raison pour laquelle vous n'avez pas pu voir quelqu'un de votre famille pendant longtemps? Genre un papa qui part travailler en Chine. Une mutation. Pendant quoi? 6 mois? Ouais, ça peut. Ça. Quelqu'un qui. Ou sur un voilier, il fait une croisière. Une mutation. Ou... Un papa astronaute qui part à la station spatiale internationale. Ouais. Il y en a un français là. Dans la fusée. Dans les SS. Et ben, c'est possible qu'il parte un an. Voilà, c'est un voyage d'un an. Ou les militaires. Ou un militaire, exactement. Ou les ministres. Ou un papa qui est dans les renseignements. Je sais pas dans les renseignements. Un espion. Un espion et du coup qui part pendant 4 ans. Et mais tu le sais pas s'il est espion ton père. Non, est-ce qu'il te le dit? Tu dois pas le dire. Non, je pense pas. Sauf mon père, il est espion et il me le dit pas. Merci, Julien Stagiaire. Ah, mais je me pose la question quand même. Merci beaucoup. C'est cool. Non, mais ton père, il fait quoi, Julien Stagiaire déjà dans Il vend de l'outillage. Donc ça a rien à voir avec l'espionnage, mais peut-être que. Moi aussi, c'est quasiment pareil. Une bonne couverture en âge, mais non. Non, mais crois. Peut-être que couverture. Peut-être que je sais pas. Peut-être que c'est une couverture. Imagine. Ça m'étonnerait, ça. J'ai un prof, j'ai Yabou. J'aime ça. Tu t'es posé la question si tes parents étaient. C'est drôle. Non, je pense pas. Non, est-ce que vous avez déjà une raison pour laquelle vous n'avez pas vu vos parents ou quelqu'un de votre famille? C'est pas les parents forcément. Pendant longtemps, un frère qui fait un métier bizarre ou quoi. Guillaume, et votre message avec votre numéro 6, 11, 12. Si vous voulez parler d'autres choses, je vous rappelle aussi, vous êtes tous les bienvenus. On fait de la radio ensemble, on est en direct à l'ancienne. On fait de la radio libre. Guillaume Radio 2.0, il est 22h19 sur Énergie. Mais c'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Je suis désolé, encore une fois j'ai tout gâché, mais c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, mais à coup pas. Qu'elle m'a fatigué, c'est à cause d'elle que je vais tout lâcher, je sais pas comment lui expliquer, un jour je finirai par me barrer, mais c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court, mais à coup pas. Mais à coup pas. Avouez. Avouer, à demi-mot pardonner.

Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne avec Martin Garrix, le nouveau. In the name of love. On se cale après, il défonce le nouveau. On s'est fait quoi en premier morceau? On s'est fait souffle. Hein. Ouais, ouais, mais à coup pas. On se calera Dimitri Vegas et Like Mike dans deux minutes. On se fait le nouveau jeu avec Flo Decalo qui doit sortir les faits divers comme tous les lundis. Je vais prendre deux d'entre vous. Il va falloir dire si c'est vrai ou si c'est faux, des histoires de meurtre. Il y a un thème en particulier, Flo Decalo, aujourd'hui ou pas du coup? Non, j'ai pris que les meilleurs de cet été parce qu'il en restait encore pas mal. Non, mais il y a eu beaucoup de meurtres cet été. Ouais, bah, ouais, chaud, mais c'est là que tu te dis ça fait peur hein, quand tu fais un jeu sur les meurtres. Mon père est lieutenant-colonel de l'armée de terre française dans les renseignements et je le vois souvent brûler des papiers, soit dans les chiottes, soit dans le barbecue. Oula. Il refuse de me dire ce que les documents c'est. Documents secrets. Bah ah oui, voilà, c'est ça. Ça s'appelle secret défense, tu brûles après le papier. Au barbecue, ouais. Et tu mémorises le code et. C'est dingue. Ah, comme dans les films. Oh là là. Mais ça, faut pas trop le dire. Faut ouais. pas trop le dire à tes potes. Voilà. Là, tu peux le dire à la radio. À la radio, c'est bien, y a personne. Non, mais, non, mais si, mais à la radio, on sait pas qui tu ouais, es, donc c'est ouais. de manière ah, anonyme, ouais, c'est intéressant. C'est important, vous savez que. Et c'est intriguant, moi j'aime dans bien. Certains métiers, comme genre ils ont le droit de le dire à 5 personnes chacun. Et ils choisissent les personnes de confiance. Ouais, ouais, ils disent lui le sait, parce que sinon, ils auraient besoin de voir des psychologues. Ouais. Non, non. Parce qu'en fait, non, mais que, sinon, mentalement, ouais. un humain deviendrait malheureux et rentrerait dans une dépression de cacher. Pour évacuer. Un secret ne se garde pas, il faut le savoir. Ouais, il faut en parler. Et, ouais. Bien sûr, il y a un humain a besoin de partager un truc, etc. Donc il y a un nombre défini de gens qui sont mis sur écoute. Et ah, ils sont sur écoute. Bah, oui, bien sûr. Oh merde. Non, bah, pour savoir si le mec il dit pas à mon père, c'est les patrons du GIGN, c'est chaud. Il le met sur Facebook, c'est en statut. Ouais, mais tu sais, t'as des mecs qui sont pas mains. Mon frère, quand il a fait son armée, je l'ai plus vu car il habitait à Tahiti. T'étais choqué des SMS, salut Lolo. T'étais choqué des SMS, JM du standard là. Ouais. Quand t'as vu tous les messages, etc., il y en a plein qui voient pas leur famille ouais, pendant c'est longtemps. Ça. Hein. Ouais, c'est ouf, ouais, franchement, ça doit être dur. Hein. Est-ce que vous avez déjà pareil une période sans voir quelqu'un de votre famille, jeune stagiaire? Mais encore maintenant, j'ai deux cousines que je vois pas depuis 2001. Ah ouais? Elles habitent dans le sud et en fait on s'aime pas trop, voilà. Donc si elles écoutent, c'est. Ah c'est vrai? Ouais, en fait il y a un petit. Ouais, je sais pas pourquoi, il y a pas d'atome crochu entre elle et nous et voilà, on s'aime pas. Et du côté de ton père ou de ta mère? Ma mère en fait, et on se voit pas. Et il y a personne d'autre dans la famille qui organise des repas, je bah, sais pas. Bah, on a la même grand-mère, elle vient jamais la voir. Elles habitent très loin aussi, donc forcément, voilà. La distance, ça fait pas tout. Hein. Pas forcément, ouais, mais elles habitent parce qu'elles ont des enfants. Donc ouais. Ma grand-mère est arrière-grand-mère et elle les voit jamais. Ah oui, elle a jamais vu leur. Voilà, donc c'est un peu moyen et du coup, je fais pas l'effort de les appeler. J'aime du standard. Ouais, moi, c'est mon parrain en fait. C'était. Ah, tu vois pas ton parrain Ouais, parce qu'en fait, c'était le mari de ma tante, la sœur de mon père. Ah, ils ont divorcé. Ils ont divorcé et j'ai jamais revu. C'est vrai. Il a fait des crasses un peu à ma tante, je crois, donc elle a coupé les ponts. Ouais, mais après, c'était parrain, tes parrains quoi. Ouais, voilà, tu vois. Donc mes parrains, c'est. Oui. Mais bon, ouais. Au final, j'ai plus revu. Salut, moi, ma mère m'a abandonné, elle a refait sa vie. J'ai appris que j'avais une autre vraie sœur et des demi-frères. Salut, tu m'as envoyé un message qui commence par 78. Ah non, je pense que t'as oublié le zéro. Ouais, ça doit être ça. On va t'appeler, toi qui nous a laissé ce message. Il y a beaucoup d'appels. On va retrouver au standard Anthony, 28 ans. Salut Anthony. Ouais, salut l'équipe. Ça va ou quoi, Anthony? Salut. Salut. Salut. Salut. Enchanté, hein. Enchanté, Anthony. C'est pas ton vrai pseudo, hein. Non, c'est pas mon vrai nom. C'est ça. Hein. Je passe en anonyme. Ok, très bien. Tu viens du 13 ou c'est pas vrai non plus? J'ai passé une partie de ma vie dans le 13. Ouais. D'accord, ok. Ça veut dire que tu n'y es plus. Ouais, très bien. Non, j'y suis plus, non. Ok, ok, pas de problème. Bon, c'est juste pour comprendre un petit peu ton appel. Je pense que JM du standard, il va se rappeler de moi. Ah, vous êtes déjà rencontré, c'est ça? Non, mais si je lui dis Boubou, je pense qu'il devrait comprendre. Ah putain, ouais, je crois. Boubou? Ouais, c'est un mot de passe. Ouais. Donc, quoi, vous connaissez? C'est quoi ce. Non, mais je crois que t'as une connaissance en commun. On va couper court la discussion. Bah, non, mais c'est la CIA. Qui c'est Boubou? D'accord. C'est un pote en commun, en fait. D'accord. Ouais, voilà. Eh ben, très bien, très bien. En tout cas, vous connaissez du Sud? Vous avez déjà vu? Non, en fait, on a une pote en commun, mais je ne le connais pas. Ah, ok, tu connais Boubou? Voilà, c'est ça, ouais. D'accord. C'est bizarre comme le mot. C'est Boubou le marabout. Parce qu'on avait un jeu la semaine dernière. Boubou le marabout, Boubou le boulot de bien. Juste un truc avant de continuer. Depuis 2011, je vous écoute. Ah, c'est sympa ça. Ça fait 100 fois que j'essaie de passer là avec vous en direct, j'y suis jamais arrivé. C'est vrai? Ah bah, tu vois comme quoi ça marche. C'est la première fois. Bienvenue, mec. Ah, c'est gentil, frérot. Merci beaucoup. Dépoussage radiophonie, t'inquiète. J'adore. Ah bah, en tout cas, c'est sympa. Et première fois que tu passes à l'antenne en général, pas que sur Énergie. Non, je suis déjà passé avec Nika. Ah d'accord, ok. Ah oui, donc c'est pas vraiment la première fois que tu passes ça. Ouais. C'est pas un vrai dépouchage. Non. Ouais, mais nous. Vous, oui, mais malgré que le zizi soit plus propre chez nous, le coup de zizi, on a déjà eu un, ça reste pas un dépucelage si ça a déjà été. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Hein, toi, mais enfin, on peut dire que c'est dépucelage chez nous, en tout cas. Merci beaucoup d'appeler. Pourquoi tu n'as pas revu ton père depuis 10 ans, c'est ça? Ouais, ça va faire 10 ans au mois de janvier. En fait, il était chauffeur routier. Donc il est arrivé en Russie et en fait si tu veux, bon ben à l'époque ça roulait comme des gros malades. Et il a eu un gros coup de pompe. Et en fait il a écrasé une bagnole, il a blessé 3 personnes. Et du coup, ben tu sais un peu comment ça se passe en Russie, ils rigolent pas, donc du coup ils l'ont pris, ils l'ont enfermé et en fait ils veulent toujours pas le libérer quoi. Donc ça va faire 10 ans au mois de janvier que. 10 ans, il a tué personne père, quoi. Non, il a pas tué, c'est beaucoup. C'est grave, mais voilà. Donc ils veulent pas le lâcher parce que là-bas ils pardonnent pas. Ah ouais. Ouais. Mais il va pas. Il peut rester jusqu'à combien de temps? Il a pas d'avocat? Si, les avocats, ils savent pas trop. Ils relancent, ils font des appels, ils font ci, ils font là, ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent, mais il y a rien à faire. Oh là là. Et l'ambassade, ils font rien parce que c'est grave là. Ouais. L'ambassade, voilà, ils savent comment ça se passe là-bas, donc ils essayent, mais sans trop essayer parce que. C'est chaud, compliqué. Ah, ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Ouais, dommage. Ils t'enculent, en gros. S'ils veulent pas, ils. Bah bon, c'est quand même. C'est vrai, en gros. C'est un peu civilisé, non? On peut avoir mon père, on vous encule. Il y a des lois. Ouais, ça doit être très énervant. Et t'as pas. Ta mère, est... du coup, elle a refait sa vie ou elle attend? Non, elle l'attend. Elle l'attend. 10 ans. C'est de l'amour. Elle est souvent là-bas, elle monte. Ah, donc elle le voit. Une fois, tous les deux mois, elle essaye de partir là-bas. Moi, j'essaye de partir un peu parce que bon. Ouais, mais bon, après, voilà, hein, c'est des sacrifices pour aller voir son mari, parce que bon, ben, c'est quand même le père de ses 3 enfants, hein, donc il y a moi et les deux qui suivent. Ouais. Donc voilà, quoi, mais moi aussi, c'est pareil, je suis chauffeur routier aussi. Ouais. Donc j'essaye de partir là-bas de temps en temps, histoire d'aller le voir, quoi, mais ça reste assez compliqué, mais bon. Putain, c'est dingue. Et il n'y a pas moyen donc, de. Parce que toi, du coup, tu l'as pas revu depuis quand, vraiment, toi? Bon là ça va faire 4 ans. Oh là là. Et pourquoi tu vas pas le voir plus souvent? Parce que je peux pas. Financièrement? Financièrement et puis au niveau de la comment ça s'appelle de la justice de là-bas, tu les en fait c'est pas comment me prendre, tu demandes pas au parloir, ils t'accordent pas tout de suite quoi. Ouais, faut envoyer des demandes. Ouais, c'est un peu long, quoi. Ouais. Mais en fait, en 10 ans, si tu veux, je l'ai vu une fois, donc il y a 4 ans. Oh, et genre, il a changé peut-être. Ça a duré quoi? Ça a duré un quart d'heure, 20 minutes, quoi, pas plus. Oh, Et c'est pas humain. Ah, c'est dégueulasse. Ouais. Ah, c'est des bâtards. Et il n'y a pas moyen de le faire sortir, quoi. Ben, écoute, on essaye, enfin, pas moi personnellement, parce que c'est pas mon métier, mais en fait, il y a trois avocats qui sont sur le coup. Et, Ouais, faut saisir les autorités compétentes. Oh là là. Pardon, j'aime ça. Alors c'était comment TPMP et Canona? Écoute, très bien, ça serait bien passé, adore faire demain aussi. C'était génial, vraiment c'était super quoi. Bonsoir à toi, tu peux expliquer le 2.0 du nom de ta radio? Je vous kiffe à part ça, mais tu dois t'en douter. Bonsoir à toi mon chien. Parce qu'avant ça s'appelait Guillaume Radio Libre, mais après il y a Difool qui faisait ça aussi. Et quand j'avais pris le nom, j'étais en Belgique à l'époque sur Énergie Belgique. J'ai fait deux ans là-bas. Et en revenant du coup je me suis dit, attends, il y a un nouveau truc qui est quand même 2.0 et tout ça, c'est un peu la nouvelle génération. Donc ouais, voilà pourquoi on s'appelait comme ça. Mon père est lieutenant-colonel de l'armée aussi, pareil, dans l'armée française de renseignement, etc. Pareil, il veut pas me dire ce qu'il fait. Moi, mon père m'a renié car je l'ai pas invité au baptême de ma fille. Ah, ouais. Car il prenait jamais de nouvelles de sa petite fille ni essayait de le voir. C'est radical quand même de pas l'inviter. J'ai pas vu ma grande sœur pendant un an car elle est partie à Atlanta pour faire fille au père. Ça a été très dur de ne pas la voir car c'est un petit peu comme ma deuxième maman. Il y a Nino, bonsoir Nino, de Martillac. Salut Nino. Salut. Ça va Nino, t'as 12 ans? Salut Nino. Oui. Nino. Ça va ou quoi Nino? Mais oui, ça va. Tranquille, voilà. T'as du 33, hein, Martillac, c'est ça, vers Bordeaux, enfin dans la Gironde. Oui, 25 ouais. minutes. Ouais, c'est pas très loin. Ouais. T'es en quelle classe, Nino, 12 ans, là? Cinquième. En cinquième, t'es rentré quand? Jeudi, d'accord. C'est la première fois que tu passes à la radio? Sur Énergie, oui. T'étais déjà passé où? Sur MFM Radio. Ouais. Et c'est tout. Mais pourquoi t'es passé sur MFM? Ouais, allez foutre là-bas, un accident de parcours. Non, comment ça se fait? Non, mais c'était le soir de l'Euro et le 10 juin à France-Roumanie. Et j'étais passé parce que... Les pronostics? Oui, voilà. Ouais. Mon père était militaire, il m'a connu, j'avais 2 mois, ça nous est arrivé de ne pas le voir pendant 6 mois à cause des missions. Salut Marine du 33 là. Salut Marine. Salut. Et pas que militaire, chérie, si t'as pas de nouvelles du tout pendant 6 mois, c'est que voilà. Salut bon. Alors, ou alors il est. Si c'est possible, remarquer les militaires qui partent 6 mois, hein, mais en guerre quoi. Ouais, mais ouais. C'est rare normalement. Mais ils ont les portables en guerre. Partir 6 mois, c'est beaucoup, hein. Ça dépend, c'est à combien de temps. T'as le wifi quand t'es en guerre. Ouais. Non, j'ai aussi une classe de merde, putain, fais chier à part en histoire, j'ai la même prof que les 2 années précédentes. Flo des cadeaux, est-ce que t'as déjà eu pareil un truc où t'as pas pu voir tes parents ou quelqu'un de ta famille pendant longtemps? Ouais. La tante du côté de mon père, en fait, elle avait pas mal de problèmes d'alcool. Et donc du coup, bah, on a vite coupé les ponts avec elle. Et je la revoyais que très rarement, genre aux enterrements et tout. Et, ah ouais. et voilà. D'accord, putain. Et toi Nino, t'as pas vu qui pendant longtemps? Mon père. Pourquoi? Parce qu'en fait, mes parents se sont séparés. Il a rencontré une copine dans le nord de la France. Ouais. Mais il voulait plus voir ma mère et moi j'ai un petit frère qui avait 3 ans et il a mal pris, il disait qu'il avait plus de papa et voilà. Ah ouais, d'accord. Putain. Et du coup il te donne pas de nouvelles ton père? Quoi? Là il est revenu là il y a pas longtemps pour il est revenu mais il s'est remis avec ta mère? Non, il est revenu pour nous voir. Ah oui, d'accord. Ah, ouais, c'est bien. Ah, ouais. Ah bah au bout d'un an, il peut hein, quand même. Ouais. Franchement, Leïla qui est là, Chambéry, bonsoir Leïla. 20 ans. Salut, bonsoir. Salut. Bonsoir à tous. Bonsoir les hommes. Leïla, 20 ans de Chambéry, représente hein, la Haute-Savoie. Non, Savoie. 7-3. C'est 7-3, exactement. C'est ça. À Chambéry, représente tout le. Et merci d'écouter à Chambéry, les gars. Je sais que vous êtes nombreux là le soir, on se retrouve à la maison. Je sais que le lendemain, vous partez tous au bail au collège, au lycée, mais en tout cas, merci de nous retrouver la nuit et de vous brancher. Hein. Si on vous demande quelle radio vous écoutez, il faut bien dire Énergie, 22h minuit. Voilà. Du lundi au vendredi, et il faut pas mentir surtout. Hein. comme sur d'autres radios. Il faut dire 22h minuit, lundi et vendredi, ça marchera très bien. Leïla de Chambéry, ta maman était enceinte, c'est ça? Alors, non, pas du tout. Quand ma mère est partie, j'avais 3 ans, et ouais. Effectivement, elle était enceinte de mon père. Et ça, je l'ai appris. Elle était enceinte de ton père, ah oui, d'accord. Ah oui, il l'a pas accouché, il l'a fécondé, ouais. Mais il le sait pas. Et moi, je l'ai appris il y a quelques mois aussi. T'as appris quoi? Donc, que j'avais une autre sœur et voilà. Ah ouais. Mais ça fait 17 ans que j'ai pas vu ma maman. C'est vrai? Oui, oui. Mais elle est partie où? Elle habite à la Grande Motte. Oh putain. Donc, à côté de Montpellier. Et t'as abandonné, quoi? Exact, elle a refait sa vie, son mari n'était pas au courant de notre existence, sa famille non plus. Et voilà, comment t'as su ça, qu'il n'était pas au courant justement? Parce que je l'ai eu au téléphone. Ta mère? Oui, oui, j'ai eu ma mère au téléphone, son compagnon, et lui n'était pas du tout au courant. Elle veut pas reprendre contact avec toi, ta mère? Alors, on a contact seulement par téléphone, mais elle est jamais venue me voir. Voilà, Ah ouais, putain, pas très sympa, quoi. Ouais, c'est... Ah ouais, putain, c'est... Et t'as pas essayé d'aller, t'as pas eu envie d'aller la voir, hein, pour la rencontrer de force un peu en bas? C'est-à-dire que son mari est flic, donc... Et alors? Bah alors, il va pas t'arrêter, hein. Bah ouais. Ouais, enfin, vu qu'ils ont pas très envie de me voir, j'ai pas. Bon, mais t'en as rien à foutre, ça peut foutre. Tu vas. Il va pas te dire, il va comprendre le mec s'il lui. Exactement où ils habitent, c'est ça le. Ouais, mais ça se retrouve, ça. Ouais, de ouf. Non, ça, alors, on va en parler. Est-ce que vous avez déjà, pareil, pas vu quelqu'un de votre famille pendant longtemps? On se fait le nouveau Dimitri Vegas Like Mike, on se fait Arcade. Juste après, s'il y a un morceau qui vous ferait plaisir, vous me le dites. On se fait les soirées ensemble. Je dis pas ça dans le vent, hein, les frères, vous pouvez me dire, hein, par SMS. Guillaume et votre message aussi, 612, et je les passe avec plaisir, les gars. Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Et on se retrouve sur Facebook, on est 1 million, on arrive à 2 millions quasiment pour venir liker la page, les mecs, là, si vous avez 2 secondes sur le portable ou sur chez vous, hein, sur ordinateur. Guillaume Play, PLEY, on se retrouve dessus, les gars. On est de plus en plus forts ensemble, merci beaucoup à tout le monde en tout cas. Et on parle en message privé, sur Instagram, on est 561 000 sur Instagram, pareil sur Twitter et tout, merci beaucoup tout le monde. C'est quoi la différence entre Julien Stagiaire et Delormeau? Delormeau, il assume. Quoi? Très bonne chronique. N'importe quoi, c'est quoi le délire là? C'est drôle, ça. Non, c'est pas drôle. Ah ouais. Non, d'accord. Je reste fidèle en Paris. Très très bonne chronique de TPP, mon Guillaume. Merci Xavier de Nancy, c'est sympa. Salut, Xavier. Merci beaucoup. Vous avez trop manqué, les mecs, je vous adore. J'ai stagiaire, une victime, Mordoin. Non. Salut Clara, Sidonie, salut les gars. Ma grand-mère vient en Guadeloupe, alors je ne la vois que pour les fêtes de Noël et un peu moins au mois de juin. Moi, ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas vu ma mère, vu qu'elle est partie à la NSA. Et je n'ai que 14 ans. Salut à toi. Salut, bon voilà, salut à tout le monde. Et là, c'est Julia qui t'a dans le micro, mais dans son casque. Qui a décidé de déménager le vieux part sur la teub de JM du Standard. Julia du 75. Salut Guillaume, moi, mon tonton est militaire. Il est parti il n'y a pas longtemps pour 4 ans au Mali. C'est bizarre, hein, des missions de 4 ans, c'est pas normal. Et il rentre pas en France. Bien, il va faire autre chose que. Il y a une alerte à l'attentat dans le lycée à côté de. G, et puis, il n'y a rien marqué. À côté de G. J apostrophe failli, donc je pense que voilà. J'ai flippé. T'as toutes les informations dans le sud-ouest, Gujan Mestras, salut tout le monde. Salut. Ah bah j'imagine que vous avez super flippé là. Mordor, salut les gars, merci beaucoup. On va retrouver juste avant de faire le jeu, Flo des Calots, tu te prépares? Ouais, je suis prêt. Ils sont bien les meurtres? Ouais, il y en a des un peu corsés. Ils sont sales? Ouais. C'est vrai? Un peu chaud, ouais. À chaque fois, Flo des Calots, nous trouvons des histoires de meurtres de ouf. Ouais, on prend deux d'entre vous et le but du jeu, c'est d'essayer de trouver lesquels sont vrais, lesquels sont faux. Juste Jacques de Kerrien dans le 22, tu m'entends Jacques? Ouais. Bonsoir Jacques. Salut Jacques. Salut. Comment ça va Jacques? Ça va les gars? Vous allez bien? Tranquille papa. Ça va ou quoi? Tranquille. Déjà passé à la radio ou jamais le Jacques? Ah jamais moi. Jamais? Des pucelles. Ça dépucelle ce soir. Oh, ça se dépucelle en mars. C'est pas toi qui as conduit la soucoupe dans la soupe aux choux? Ah non. À l'ancienne. Oh là là, ouais, c'est clair. Bon, ça va ou quoi? Tranquille mon Jacques? Ouais, ça va, ouais. Après boulot. Eh ben enchanté. Merci du coup de fil en tout cas. Tu travailles dans quoi? Moi, je suis chauffeur routier. Chauffeur. Bah, salut à tous les chauffeurs qui se branchent sur Énergie. 22h minuit, c'est si ça se passe, les gars, c'est la première émission de France. Vous trompez pas, il n'y a pas de risque. Voilà, 22h minuit, vous perdez pas votre temps. Si vous connaissez depuis pas longtemps, prévenez les autres, comme ça on se retrouve ici, les mecs. Moi, ça fait 11 ans que j'ai pas vu ma mère, elle s'est prostituée. Salut, putain, mon courage, un gros salut, bisou. Ouais, salut, tiens bon. Salut, c'est pour passer au jeu, il n'y a pas de problème. Moi, des fois, je vois pas ma mère pendant 10 heures parce qu'elle part au travail, merci beaucoup. Ouais, comme beaucoup. Bravo pour Mokhtar Kastou, salut, gros bisous à toi, t'es excellent, merci beaucoup. Sympa, salut Little Benny. Moi je n'ai pas vu ma fille depuis 2003 à cause de sa mère. Oh. Salut Eric du 51. Salut Eric, courage. Putain, mon courage. Frère. Mon père a tiré avec un fusil pour tuer les éléphants dans un chêne. Il est tombé et il a cassé le bras de ma soeur. J'ai pas compris là. Un éléphant. Il a cassé il voulait tuer les éléphants dans un chêne. Ça veut rien dire. C'est quoi un chêne? C'est un arbre. J'ai un cousin qui est devenu riche. Personne ne sait comment et qui depuis a totalement coupé les bons avec sa famille, ne vient plus au mariage, les naissances ils s'en branlent. On le voit juste de temps en temps sur Facebook. Salut Dilapi. Genre il est snob. Salut salut à toi là. Peut-être il a gagné au loto. Hein. Ouais, et même sa famille. C'est ouf ça. Ah, normalement tu le régales. Et alors attends, et donc t'as pas vu ta famille depuis longtemps mon Jacques? Bah ouais, en fait ça doit faire 11 ans là, que je suis en France. Mmh. Que je suis d'origine d'Angleterre. Et de temps en temps, j'essaye de retourner là-bas, mais pas souvent, quoi. Ouais, c'est comme ceux qui viennent d'un pays étranger en général. Ouais. Ils ont la famille dans leur bled de base, et puis ils rentrent des fois. Assez peu, hein. T'as beaucoup de famille, genre là-bas? Bah, tout le monde. Y a que mes parents et ma sœur qui sont là. Ah ouais? Et moi, quoi. Ouais, ta famille proche est là, quand même. Bah, l'essentiel. Ouais, c'est genre tes oncles, tes grands-parents, tout ça, quoi. Bah, j'ai deux frangins là-bas et tout. Donc c'est un peu compliqué. Ouais. Mais quand tu dis que, parce que là en gros tu dis que ça fait 11 ans que t'es en France, tu les as vu combien de fois en 11 ans? Peut-être entre 3-6 fois. Ah ouais. D'accord, c'est pas beaucoup. Non, 11 ans. Ouais, 11 ans c'est quand même peu. Hein. C'est comme Marie. Alors Marie, elle a pas vu du tout son parrain pendant 3 ans. Ça va Marie? Oui. En direct de Léognan, dans le 33, à côté de Pessac. Voilà, il y a même salut, Pessac Léognan. Salut. Il y a même des vins qui sont. C'est connu. Bordeaux, Pessac Léognan, exactement. Ah, salut à tous ceux de Léognan et tout le 33, les gars. C'est 102.4 la fréquence bordelaise. Juste, tu voulais raconter quoi, Marie? En fait, quand j'étais petite, mon parrain, il allait à l'armée. Des fois, il venait chez moi. Ouais. Donc, quand il était chez moi, il faisait des entraînements, donc il faisait de la corde à sauter et tout. Et un jour, il est parti et il a plus de mes nouvelles. C'est vrai? Il est commando? Ouais. Et commando dans quoi? À la marine? À la marine. Dans la marine, ouais. T'es sûr? Tu dis juste la marine parce que. Je t'ai aidé en fait. Attends, il y a Mathéo. Mathéo, 14 ans sans voir sa mère. Bonsoir Mathéo. T'as 17 ans en plus alors. À Tournefeuille, juste à côté de Toulouse, à droite. Ouais, dans l'est. Ouais. Salut, ça va ou quoi, Mathéo? Tranquille. Salut. Ça va. 14 ans sans voir ta daronne alors que t'en as que 17? Ouais. À cause de quoi? Une dispute de parents. Elle est jamais revenue? Non.

Martin Garrix. Voilà, tu l'as demandé, Poto, là, t'as pas laissé ton prénom par SMS, mais voilà, j'ai dit tout à l'heure, vous voulez écouter un morceau, vous me dites, je le cale. Bah, je le cale celui-là après. Dites-moi, hein, Guillaume, et votre message avec un titre, s'il y a un morceau qui vous donne envie. Et j'ai besoin de deux joueurs, les gars. Hey, 22h56, je prends deux mecs là. Okay. Deux filles, deux gars, comme vous voulez. Guillaume, un espace, je. Voilà, il faut que vous commenciez par Guillaume le SMS pour qu'il arrive. Guillaume, un espace jeu avec votre numéro de temps dedans. Et votre numéro de téléphone au 6 11 12. Guillaume, un espace jeu avec votre numéro au 6 11 12. J'en prends deux maintenant sur Énergie là. Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all. Testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. In the name of love. Deux heures valent plus qu'une journée entière. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0. Du lundi au vendredi, sur Énergie. Allez, sur Énergie avec Gims. Je garde là. Avec Jules, je suis le sens. En entier après. Ça va être toi, seul, je vais finir ma soirée. J'ai trop d'espérance. On sera beaucoup à croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui, tout battait, hier, ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un. Moi, je ne connais pas ma vraie mère, j'ai 34 ans, mais je m'en fous. J'ai une famille en or pour rien au monde, je ne changerai. Salut Zaina. Merci beaucoup, Zaina. Les gars, j'ai besoin de deux joueurs. Guillaume, et vous m'envoyez jeu avec votre numéro au 612 pour le jeu de Flow des cadeaux. Je le prends maintenant. En Afghanistan pour l'armée française dure 6 mois. Salut Marine du 33. Ouais, c'est pour ça que 4 ans ça m'étonne quand même. Je viens d'arriver, Guillaume, bravo pour ta première étagère. J'espère vous voir très vite. Salut Lisa, gros bisous. L'actrice lilloise, bisous à toi. Salut. Je t'embrasse. Ouais, j'ai 42 ans et ça fait 6 mois que je connais mon vrai père. Putain, c'est ouf. Oh, ouais. Comment tu l'as rencontré? Ce serait intéressant que tu nous racontes là. À 42 ans, comment t'as rencontré à 41 ans et demi ton vrai père pour la première fois? Julie, tu m'entends? Julie, puis on fait le jeu après le flot des cadeaux là. Oui, je t'entends, Guillaume. Ça va ou quoi? Tranquille? Ouais. Salut Julie. Ça vient de Tourcoing? Salut. Tranquille ou quoi? Et ouais. Dans le Nord. Bah, je suis pas de Tourcoing normalement en fait. Tu viens d'où? Je viens du Pas-de-Calais, de Béthune. Ah, énorme. Salut à Béthune. Salut, ouais. Salut à toi. T'as jamais fait de télé, toi? T'es jamais passé. Non? Non, jamais. Dépistage. C'est pas toi qu'on voit se faire bouffer le cul dans l'épisode 6 de Walking Dead? Non. C'est Walking Dead. Eh bah, dépistage. Dépistage radiophonique, alors merci c'est beaucoup. C'est qui, papa? Vous allez bien? Hello! Enchanté. Putain, je t'admire, mec, en une journée à TPS. Chope toutes les bonnes meufs. Et non, Clio, bien joué. Mais t'as manqué que ça, les gars. Peut-être que du sale de Lorenzo. Ah, bah, je vais caler les morceaux. Vous me dites, hein, le diable ne s'habille plus en Prada. L'autre soprano aussi, y'a pas de problème. Je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Car moi ce soir, je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir, je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Dans ce cas-là, Major Lazer, je l'ai calé là, pas de problème. Major Lazer, Gims, Joule, Dilo, pas de problème. Tout ce que vous me demandez, je le cale. Hein. Voilà. Je découvre l'émission ce soir et franchement, ça me donne envie de t'écouter tous les soirs désormais. C'est gentil ça. Salut, Arrachez-nous. Merci beaucoup de découvrir l'émission. Merci. Si bienvenue. Vous découvrez, je m'appelle Guillaume, c'est Guillaume Radio 2.0. Il y a Julien, le stagiaire de cette émission. Ouais, je suis là, salut tout le monde. Et là, JM du Standard. Ouais, bonsoir à tous. Julia qui est avec nous ce soir. Ouais, salut tout le monde. Et Flo des cadeaux. Salut tout le monde. Salut Guillaume, à vous. T'aimerais bien te donner Guillaume. Salut les gars. Alors, ça y est, j'ai une photo qu'on parle. C'est vrai, j'ai animé une matinale sur C-Star. Si c'est vrai, j'espère que tu seras avec ton équipe de radio. Salut Ibrahim. Non, j'ai vu tout le monde pense que je vais faire le morning de C-Star. Je découvre l'émission ce soir et franchement aussi j'adore. Bah, c'est gentil, merci. Si vous arrivez en masse, ça c'est trop cool. Juju, alors Juju de Tourcoing là. Enfin, pourquoi tu me dis Tourcoing si c'est Béthune? Bah, parce qu'en fait je suis interne. Ah ouais, d'accord. Ah, oui. Donc là t'es à Tourcoing ce soir. Ouais. T'es dans quel bahut à Tourcoing? Lycée Gambetta, pardon. Gambetta, très bien. Eh ben salut à tous ceux de Gambetta. T'as prévenu les potes que tu passais dans le couloir ou pas du coup? Non, bah je vais les prévenir après, mais non, pour l'instant non. Ah, mais après ça sera trop tard. Hein. Bah ouais, c'est maintenant. Tout le monde y dort à ce temps-là. Bah tout le monde y dort. 23h02, ça va, t'as pas 6 ans là, copine. Ah ouais, mais faut semblant de dormir. Et en fait, on fait tous du sport donc on est fatigué en fait. Ah ouais, on est fatigué. À quelle heure vous vous levez ou demain? À 15 ans, personne ne se couche à 23h. Ah bah normalement non, mais. Bah ce que tu fais, c'est que tu vas dans le couloir, tu mets les haut-parleurs, moi je mets une sirène. Je mets une sirène genre une sirène nucléaire, tu sais, genre un truc qui vient de se passer grave et tout. Et tu je vais ça. Mais là il va avoir peur. Genre les surveillants. Attends, et qu'est-ce que ça donne si vous mettez le haut-parleur et que je mets la sirène? Je me demande. Rien. Attends, je vais essayer de le faire sur mon portable. Je m'auto-appelle, juste pour voir si ça fonctionne. Ça va être un peu brouillon, non? Excuse-moi, Juju, je fais un essai. Juju, dors, quoi. Alors, c'est juste pour voir si ça marche. Attends. Je mets le haut-parleur. Voilà. Voilà. Oh là, c'est énorme. Oh putain, c'est énorme. Ah ouais. Il faut le faire dehors, genre. Ouais, c'est rigolo. On pourrait déranger les gens comme ça, mais après pas moment, les réveiller, quoi, toi. Ouais, même. Parce que ouais, puis ça, l'état d'urgence, tout ça. Ouais, bah bon, après, tu te doutes bien qu'il n'y a pas une attaque nucléaire quand même non plus. Tu sais bien que c'est que des trucs que t'entends dans les films en général. Hein. Bon. Ah, je sais pas. Ouais. Bon, en tout cas, c'est gentil d'appeler, hein, Julie. T'aimes bien les films, toi, d'hier? Tu regardes un petit peu les movies? Bah ouais, un peu de tout. Ouais. Ouais, tu regardes quoi, les films? T'es plus série? Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ah. T'aimes te faire peur. Ah bah ça tombe bien. Ouais. Ah bah on va se faire peur avec deux dans deux minutes avec Flo des cadeaux. j'ai besoin de deux d'entre vous, hein. Deux d'entre vous pour passer avec nous. Je vais avoir besoin de deux d'entre vous dans un instant pour jouer au jeu des faits divers. Il me faut deux tueurs. Voilà, vous allez devoir dire vrai ou faux sur les tueries dans un instant. Qu'est-ce qu'il y a, Jason? J'ai une connerie? Non, c'est marrant, il faut deux tueurs pour le jeu des tueurs, c'est marrant. Ah ouais, j'ai pas fouillé. Rien ne me fait rire. Ah, mais rien ne t'amuse. Je vais te donner un gobelet, tu vas t'amuser. Salut Guillaume, je ne vois plus mon tonton depuis que j'ai avoué à mon père qu'il me touchait les fesses à Noël. Ah bah oui. Wow. Ça peut se comprendre. Je te suis depuis 5 ans et t'as énormément progressé. Bravo. Ah bah c'est sympa ça, merci beaucoup. Ouais. Je vais stagiaire lui, il ne voit pas pendant longtemps un vagin, il en voit un tous les 5 ans. Ah ça non, j'espère pas, ça va. Salut Guillaume, moi je vois plus ma seule tante depuis 12 ans à cause d'une dispute avec ma mère, sa belle-sœur. Aïe. Salut les gars là. Moi je ne vois ma sœur qu'une fois par an, elle vit à l'étranger. Putain, c'est chaud. Hein. Ouais, ça dépend où à l'étranger. Les gens ils changent une fois par an, hein, physiquement. Bah oui. Ah je attends, le vois. Franchement, tu le vois, c'est vrai. Ça grandit. De la attends, barbe, c'est clair, ça dépend à quel âge. Attends, mais... une fois par an, tu prends un coup quand même. Ah, même nous, hein, franchement, ouais. Ça se passe. Je sais, tu prends un coup au moins une fois par an, deux. Mais par rapport à l'an. Non, ouais. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir à croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui, tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, du tout les légos. Yo, yo, yo, yo. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien, on va se le faire après celui-là. Ouais, c'est une nouveauté. Hein. Dans un monde où l'ami. On se passe les morceaux que vous avez envie d'écouter ici, c'est. Voilà. L'énergie, le soir, 22h minuit, c'est là que ça se passe. Julie, Juju, là. Alors, t'as jamais connu tes grands-parents ? Non, mes grands-parents paternels, je les ai jamais connus. Parce que, en fait, avant que je naisse, mon père a eu de très, très gros problèmes avec, ses parents, du coup. Ouais. Et du coup, de très gros problèmes, des problèmes d'argent et tout. Donc, ça les a foutus dans la merde avec ma mère. Et du coup, mon père parlait plus à sa mère et du coup à ses parents. Et du coup, pendant les réunions de famille et tout, mon père m'interdisait de voir mes grands-parents et tout. Donc, je les ai jamais connus. Je sais pas, je sais comment ils s'appellent, mais je sais rien d'eux. Je sais pas, peut-être que... Ils m'ont jamais connu non plus. Ouais, c'est dommage quand même, attends. Ah, les grands-parents, ouais. Ils ne connaissent pas leur petit, même j'ai une petite sœur de 6 ans, ils la connaissent non plus. Ils l'ont pas vu grandir, ils m'ont pas vu grandir non plus. Après voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Ça t'est déjà arrivé, de connaître plus l'anus de quelqu'un que son visage. Pourquoi la rapport avec les grands-parents? Ça t'est jamais arrivé de faire du sexe avec un. Pourquoi on parle de ça? Avec un homme que tu n'avais jamais vu de visage. Bah non, pourquoi? Pourquoi cette question là? On parle de grands-parents, de famille, et là on parle de cul. Est-ce que je lui disais que c'est pas, on la connaissait pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir plus le cul d'une personne que sa tête? Non, jamais. Il est derrière, jamais. Il est derrière toi, surtout. Ah bah c'est fin. On m'a invité en club échangé ce week-end. Je suis pas allé. C'est où? Mais c'est un couple qui m'a invité. C'est marrant. Mais vas-y, ça. Ah ouais, c'est rigolo. Allez. Ça se refuse pas normalement. S'il faut y aller une fois. Attends, c'est un couple. Non, mais en plus, c'est un couple que je connais très bien. Ah, justement. Et que je connais depuis très longtemps. Et la nana est très mignonne. C'est la famille. Non, mais attends, j'ai pas fini. Ils m'ont invité dans un club qui s'appelle Cri et Chuchotement, qui est un club de SM. Ah, ah oui. Ah ouais. Et donc, du coup, j'ai pas osé. Je lui ai dit, attends. J'ai pas échangé. Donc, j'ai dit, attends. Ça aurait fait des histoires. Mais je suis très ouvert et tout. On fait une sortie avec la radio. En vrai, j'ai pas osé. Vas-y, on y va. Non, chez Jacques et Michel, ils font ça. Merci, j'ai le. Pour les surprises d'anniversaire. Ouais, ils vont à un salon en fait. Il y a un mec, un acteur qui ramène plein de mecs, un bus rempli de mecs. Et ils vont en fait à un salon à Barcelone, je crois. D'accord. Et ils font n'importe quoi pendant 3 jours. D'accord. Ah ouais, et c'est. Ok. Ouais, c'est super. Voilà. Pareil, hein, dis-nous. Mais ils niquent entre eux? Non, ils niquent pas entre eux, mais après ils font ce qu'ils veulent. Mais bon, ils amènent plein d'internautes, comme ils les appellent en fait. Ouais. Et ils les amènent sur place, quoi, le salon. D'accord, ok. Putain, c'est marrant. Le mec, quoi. Il est ouf en plus. T'es vraiment à fond dans Jacques Michel. Non, mais c'est l'acteur qui est. C'est marrant parce que normalement, Jacques Michel, c'est un site de cul, lui. T'as l'impression vraiment c'est son hobby. Non, mais là, il y a un acteur qui est marin. Mais fais quoi? Ce soir, je suis je regarde un reportage sur Jackie Michel. Il y avait le t-shirt. Fino, il est marrant. Fino? Fino, il s'appelle. Ah. Il a plein d'expressions marrantes. Tu regardes un peu Jackie Michel, toi, Julie, 15 ans ou pas, ton coin? Non. Mais t'aurais pu, c'est trop bien. La qualité est top. La qualité, ouais. La qualité est super top. Mais c'est vrai que c'est important. Moi, je suis fan. Moi, maintenant, je suis devenu plus exigeant. En plus, moi, j'adore le French. On est d'accord, non? Le French amateur. Je suis passé dans une autre catégorie maintenant. Je tape genre 10 flots, par exemple, si je veux une gorge profonde. Ouais. Tu t'affines. Non, mais attends, j'ai pas trop parlé de ça parce que je vais me retrouver partout. Mais non. Mais non, mais je tape genre. Non, mais c'est un exemple que je donne. Et en fait, maintenant, je suis devenu plus exigeant dans le sexe. Et en fait, je tape ma catégorie préférée, genre, enfin, ma catégorie où j'ai envie du soir. Ouais, slave. HD. Et je tape HD 1080. Ouais. Mais il y a les HD, toi, ça. Ah ouais? T'as fait du HD? Pardon, Julia? Non, c'est. Je connais pas. J'ai l'impression que j'ai dû apprendre la vie. Je connaissais pas cette définition. Incroyable. Non, mais. Et ouais, donc en fait, tu tapes 1080 HD, et du coup, t'as des vidéos un peu. Parce que tu y crois rien. Et franchement, il y a des sites, c'est abusé. Ouais. T'as des vidéos, les mecs, ils ont une coupe mulet et tout. Ouais. Ah, c'est ils vintage. Ont le short hyper haut et tout, ouais, c'est ça, les ça, mecs. Sexe 80. C'est abusé. C'est quand même vintage. Oldies. Non, mais c'est même, tu tapes, genre, moi, je tape par exemple. Ça dépend la Domination Brutal. Moi, je tape Brutal. C'est des catégories du Moyen-Âge. Et pourquoi? Bah, si tu trouves des mecs avec des shorts. Non, mais c'est les shorts un peu moule bite, c'est les shorts très hauts et qui sont ras de la bite. Ouais, tu vois. Et en fait, du coup, j'ai. Non, mais attends, et du coup, j'ai qu'il y a de vieux trucs, moi. Mais je crois que j'ai mis les catégories cheloues aussi. Qui n'existent plus. Non, mais si, bah, les catégories qui n'existent plus, tu rigoles. Il y a eu des sites spécialisés sur la brutalité. Ah, bah oui, non, ouais, c'est payant et tout. Non, mais en plus, c'est pour rire. Non, mais c'est pas la brutalité qui m'hésite forcément, mais c'est enfin quand c'est un peu ferme quand même, quoi. Il faut. Après, tu un peux peu de trace sur le corps, quoi, des hématomes. T'aurais dû y aller ce week-end. Ouais, je sais, mais j'ai pas. Je préparais ma chronique, en fait, pour vous dire. T'aurais fait une chronique sur le libre-échange. Sur le libre-échange. Le libre-échangisme. Sur le libre-échangisme. Eh ben merci beaucoup. Bon, ouais. Alors, nous parlions de famille. Fait l'hiver. Lucille, Kylian. Tiens, bonsoir Lucille et Kylian. Bonsoir Lucille. Alors, si d'habitude. Ah, mais c'est moi qui n'ai pas allumé le bouton, quel con. Tu m'entends, Lucille? Ouais, je me disais qu'il y en a un qui répond pas, mais les deux d'un coup, c'est vraiment qu'on a fait une mauvaise idée. Salut. Ça va les poulets, ça va Lucille, je peux avoir un stylo, j'y me sens. Avec plaisir, Guillaume. Merci beaucoup. Toujours là. Non, pas toujours, mais en tout cas, quand t'es là, ça dépend. J'essaye. Ça va ma chérie Lucille, t'as 21 ans. Hein. 24. 24, c'est ça. Tu fais quoi dans la vie, toi? Tu sers quoi? Je suis serveuse. Serveuse, où ça? À Pizza Plaza. Je veux tout savoir. À Pizza Plaza. À Pizza Plaza, c'est un plaza de pizza, genre? C'est quoi? Non, c'est genre un hôtel avec des pizzas et tout? Ouais. Un restaurant. Non, c'est. Ouais, pizzeria. C'est un resto, quoi. Non, mais c'est parce que parfois il y a des hôtels et il y a un restaurant en bas qui peut être un restaurant de pizza, quoi. Ouais. Genre, Genre le Plaza Athénée, ça m'aurait pas étonné qu'il y ait une Pizza Plaza en bas, quoi. Ouais. Ça, c'est des hôtels, quoi. Bon, très bien. T'es célibataire, t'es seule, Lucille? Je suis en couple. T'es en couple, c'est sympa. Ouais. Il est avec toi, là? Il est à côté ou. Pizza Yolo? Ah, il dort. Ah, il dort, ouais. Ah, peut-être. T'es dans la chambre, là, ou pas? Non, je suis dans le salon. Ah, ouais, d'accord. Vous habitez ensemble déjà? De quoi? Vous habitez ensemble? Ouais. Tu vas essayer de comprendre d'après un chemin. Là, je vous entends mal en fait. Ça fait combien de temps que. Moi, je t'entends bien. Ça fait combien de temps que tu connais l'émission? Oh là, ça fait déjà un bout de temps. Hein. J'avais 14 ans. Ah ouais. Et ça fait combien de temps que t'es avec ton mec? 5 ans. Ah ouais. D'accord, ça fait 5 ans. T'as 24 ans et là, t'es en ménage. Et tu nous connais depuis que t'as 14 ans. On n'était pas là il y a 10 ans. On n'était pas là. On n'était pas là. Ça fait déjà 6 ans. Ça fait déjà 5 ans qu'on est là, mais alors voilà. Bon, en tout cas, merci. Ça fait un bout de temps que je vous écoute, hein. Franchement. C'est vrai? Ouais. Oh, bah, c'est sympa. Bon, au moins 5 ans. Sur du travail, direct, je mets votre radio et tout. Ah, c'est trop cool, déjà. Merci beaucoup. Merci. Et puis, il y a Kylian. Tu m'entends, Kylian? Ouais. Ça va? Toi. Kylian de Boissy-Saint-Léger, tranquillement. 94, Kylian. Ouais, c'est ça. Déjà donc, passé à la radio, ta voix, il me dit un truc, Kylian? Bah, non, mais j'ai essayé plusieurs fois. Ah, ouais, et là, c'est ce soir, ça voilà. Passe, quoi. Bien joué. Enchanté, mon Kylian. Tu ressembles au dépucelage radiophonique, t'as raison de me signaler. C'est vrai qu'il y a un petit son à envoyer, hein, c'est la coutume. On a des coutumes ici. C'est important. Comme, ouais. Parfois des gens. Des arborigènes, par exemple, ils ont des coutumes. J'ai vu un reportage la nuit, c'est impressionnant. Ah, putain. Ouais. Sur Arte. J'ai vu un reportage et tout, c'est impressionnant. Il y a des mecs qui sont encore coupés du monde, et j'ai vu un reportage sur une île où si jamais tu tombes dessus, ils te tuent. Ouais. Mais non, des pêcheurs qui ont dérivé il y a quelques années, j'ai vu un reportage là-dessus. Là, mais ouais. Non. Et ils se tuent pourquoi? C'est les us et coutumes. C'est-à-dire que ça ne se mélange pas et que si tu tombes sur leur île, bah, ils te butent. Ah ouais, et même l'armée n'y va pas et tout. Hein. C'est pour te manger qu'ils te butent. Bah, non, mais non, mais en fait, en même temps, ils sont là-bas depuis des trucs. Si je vais y aller en vacances, pourquoi ils me tuent? Bah, tu peux y aller, moi, je peux te filmer. Attends, pourquoi? Bah, ouais. Elle est où l'île? On peut faire. Je sais pas où aller. C'est un jeu. Si, j'avais vu. Je sais pas où aller exactement. Ils sont à poil, les mecs, non? C'est pas eux? De quoi? Ils sont quoi? Ils sont pas à poil. Ils ont un reportage, les meufs, ils ont pas des pulls. Les boules à l'air devant la télé comme ça. Les boules à l'air, je sais pas. Ah ouais, non, mais je te jure. Ils font du maquillage sur la tête et les boules à l'air. Ouais. Mais tu sais, le principal, c'est pas la façon de s'habiller, c'est la gentillesse du cœur. Et s'ils sont heureux, bien sûr. Ouais. Je vais te dire un truc. Hein. Ah ouais, c'est important. Je vais vous faire écouter. Il faut que je découpe là, la conférence là, sur du savoir et tout. Je vous jure, les gars, c'est trop intéressant. Oh, j'ai fermé ma gueule 5 minutes, je vais vous diffuser un truc et vous allez voir, c'est trop intéressant. J'ai pas vu ma cousine depuis 7 ans et mon tonton, appelle-moi. Faut que tu me laisses ton numéro si je t'appelle dans le SMS. Lucille d'un côté, Kylian de l'autre, vous dites vrai ou faux à chaque fois, d'accord? Ouais. Okay, et à chaque fois, vous marquez un point. Si vous avez bon, Flo Decado va nous raconter des histoires de meurtres atroces. Il a fait un best-of de toutes les histoires de meurtres qui se sont passées depuis quelques jours. Oh, la musique. Il va falloir savoir lesquelles sont vraies. Et lesquelles sont fausses. Flo Decado? Ouais. Première histoire, on t'écoute. Alors ça s'est passé le 14 mai dernier, c'est aux États-Unis, dans l'Indiana, un homme de 22 ans qui a fait tuer son chien par sa petite fille de 4 ans et il l'a dévoré devant elle. L'homme en fait avait pris de la drogue et c'est la maman quand elle est rentrée qui a découvert sa fille pleine de sang et le chien mort dans le salon. L'homme a été hospitalisé, il a subi un lavage d'estomac et il est en attente de son jugement. D'accord, Julie, à vrai ou faux? D'après toi? Faux pour moi. Faux pour toi. Faut vraiment qu'on règle son micro parce que ça sature. J'y aimerais pas attendre 15 jours avant de le faire réparer ça. Juste, Lucille, vrai ou faux? Ouais, j'aurais dit faux aussi. Toi, tu dirais faux? Très bien, je note faux. Kylian? Vrai. Vrai, très bien. Vrai, faux. Les deux, putain, c'est partagé, j'aime le stagiaire. Ouais, c'est vrai, je pense que c'est possible malheureusement. Tu dirais que c'est il vrai est fou le mec, il a pété un plomb. Il a pris de la drogue, il a fait bouffer son chien. Il a mangé lui-même son chien, c'est ça hein. Qu'il a fait tuer par sa fille. Exactement. Ok, très bien. Ouais. Très bien. Juste, j'aime le standard. Ouais, je dirais vrai aussi, ouais. Ouais, tu me dirais vrai? Ouais, je sais pas. Vrai, moi je dirais faux. C'est vrai. Et la réponse, le décalot, c'est. C'est faux. Oh un point pour Lucille du coup qui marque son premier point. Tu sais comment j'ai deviné que c'était faux? Je donne mon truc mais parfois je me plante hein, mais enfin je le dis pourquoi. Parce que s'il avait pris de la drogue il aurait peut-être été violent avec sa fille et pourquoi il était d'un coup avec sa fille il dit tiens tu enfin, il n'aurait pas eu la présence d'esprit de faire tuer quelqu'un d'autre. Ouais c'est vrai. Quand tu si tu prends de la drogue c'est que t'es sur une autre planète. J'ai pas pensé, si tu te mets à bouffer le chien donc toi. Allez, on on t'écoute pour la deuxième histoire. Un point pour Lucille contre Kylian pour l'instant. Alors là, c'est toujours aux États-Unis. C'est en Californie. C'est une dame de 57 ans qui a voulu aider une SDF. Donc en fait, elle lui a proposé de passer la nuit dans sa voiture. Le problème, c'est que quand elle est revenue le lendemain, la SDF était décédée. Et elle a eu peur. Donc en fait, elle a gardé le cadavre de la SDF pendant 10 mois dans sa voiture. Et un jour, elle a mal garé sa voiture. La police a contrôlé et c'est là qu'ils ont découvert le cadavre. J'ai pas trop compris l'histoire. Ouais, il y a un cadavre. Tu veux bien la répéter En fait, c'est une dame qui a aidé une SDF en lui proposant de dormir dans sa voiture. Ouais. Et quand elle est revenue le lendemain, la SDF était décédée. Sauf que cette dame a pris peur et elle a décidé de garder le cadavre dans le coffre de sa voiture. Et elle s'est fait choper parce qu'un jour, elle était mal stationnée. La police l'a contrôlée et c'est là qu'ils ont découvert le cadavre. Kylian. Alors moi, je dirais vrai. Toi, t'es dans le vrai, toi. Depuis le début, toi, t'es dans le vrai. Ah bah oui, Lucille. Moi, je dirais vrai. Tu dirais vrai. J'ai un stagiaire. Ouais, c'est vrai. C'est pas ouf comme histoire. J'ai besoin d'un. Ça peut arriver. Je pense que c'est vrai, mais on sait pas au bout de combien de temps elle a été découverte. Au bout de 10 mois. Ah, il a dit. Ah ouais. Ça devait puer la merde. Hein. Pourquoi dans le coffre, ouais, ouais. Pourquoi elle a été découverte? Parce que la dame qui a aidé la SDF était mal stationnée, donc la police l'a contrôlée. Très bien, ne parle pas plus parce que sinon on est plus influencé. Julia. C'est vrai, à mon avis, la police a senti l'odeur. Oula, j'ai compris les enquêtes, Sherlock. J'ai du flair, regarde mon nez. Je dirais vrai aussi, Flo des cadeaux, et la réponse est. C'est vrai. Un point de plus pour Lucille, donc 2 à 1. Voilà, Lucille ouais. qui encore domine le jeu. Attention, troisième histoire. Parce que je fais exprès. Ah. Et ben montre-nous. On est galant. Ah ouais, c'est ça, ouais. Gentleman. Ouais, ouais. J'ai essayé à prononcer très très bien le mot gentleman. Ouais, gentleman. Ouais, il a pas dit gentleman, il a dit gentleman. C'est comme ça que l'anglaise. Très très bien, j'ai bravo, ta progression. Vas-y, Flo des cadeaux. Alors là, c'est une histoire un peu hard. Ça s'est passé au Nouveau-Mexique. Au Nouveau-Mexique. C'est la police qui est entrée dans un appartement pour tapage nocturne. Et là, ils ont découvert 3 adultes devant une couette qui était en feu. Et dans le feu, il y avait le corps d'une fillette de 10 ans qui était démembrée. C'était un couple et la cousine de l'homme. Et en fait, après, ils ont avoué que l'homme violait donc sa petite fille pendant que la cousine mettait la main sur la bouche de la petite fille, pendant que la mère regardait. Et qu'après, en fait, ils ont voulu faire disparaître les preuves. Donc, ils l'ont étranglé, poignardé. Ils l'ont démembré et après, ils l'ont fait brûler dans la baignoire. Et le truc, c'est que c'était le soir de l'anniversaire de la petite fille. Elle avait 10 ans. Laisse-moi poser des questions, Flo des cadeaux, avant de laisser. Ça mène l'enquête. Ça s'est passé où, Flo des cadeaux? Au Nouveau-Mexique. Où ça? À Albuquerque. À Albuquerque, hein, comme par hasard. À Google, merci. Hein. Tu veux qu'il répète? Qui a demandé la répétition? Ouais. D'accord, c'est payant la répétition, par contre. C'est payant. Vas-y, Flo des cadeaux. Alors, c'est un couple et la cousine. Écoutez bien. Cette manière qu'il a de mentir, vous allez voir si c'est vrai ou pas. On t'écoute. Alors c'est un couple et la cousine d'un couple qui sont fait choper par la police. Quand la police a débarqué, il y avait le cadavre d'une petite fille qui était dans une couette en train de brûler dans la baignoire. Et donc ils ont avoué que en fait l'homme a violé donc cette petite fille qui était la sienne. Pendant que sa cousine mettait la main sur la bouche de la petite fille pour pas qu'elle crie, la mère regardait en même temps. Ils ont ensuite étranglé et poignardé la petite fille et pour faire disparaître les preuves, ils l'ont démembrée, ils l'ont mis dans une couette dans la baignoire et ils l'ont enflammée. Et tout ça s'est passé le soir de son anniversaire, elle avait 10 ans. Avant de s'écouter Gims, dans un instant c'est le prochain morceau. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Et va faire des lignes. Seul je vais finir ma soirée, j'ai trop bu, je fais ma soirée. Croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout passé, hier ça a tiré, y'a personne dans le quartier. Kylian, vrai ou faux? Moi, je dirais vrai. Toi, tu dirais vrai. Toi, tu restes sur le vrai. Lucille. Ouais. Moi, je dirais vrai aussi. L'histoire de la petite fille démembrée. Ils ont violé sa fille devant sa mère. Et pourquoi sa mère, elle l'aurait tuée? C'est trop bizarre. Sa mère a regardé. Juste à dire. C'est faux. Trop d'heures, il y a trop d'infos. J'aime Sandra. Ouais, je dirais vrai, c'est horrible. Je peux pas inventer ça. Si, justement. Il y a trop de détails. Faux. Faux. Pourquoi? Parce que trop d'infos. Parce que j'ai le flair, Guillaume. Je sens que je n'ai Non, parce que quoi? Albuquerque, Nouveau-Mexique, trop cliché. Non, ça rien dire. Non, c'est les détails. Alors, Albuquerque, il se passe rien, Guy. Moi, je connais Albuquerque. Il y a même trop de détails, trop d'atrocités. Trop d'atroces, ouais. Viens, Stagiaire, il connaît aussi. Ah ouais. Non, je connais pas. Il y a souvent. Ouais. Non, je connais pas. C'est lui qui se fait démembrer. Non, s'il te plaît. Le manque de respect, comment ça se passe? Non, c'est quand il passe. Je peux dire que quand il passe les soirs au Nouveau-Mexique, il se fait démembrer. J'ai jamais été là-bas. Je connais pas, ça a l'air bien. Putain. Désolé. Alors, attends, et donc, j'en étais où là? J'en étais où? Vrai ou faux pour toi, je crois. Ah ouais, ouais, j'en étais à quoi? À toi. À toi. Ah ouais, ouais, moi je dirais faux. Je dirais La team faux. Flo des cadeaux, la réponse c'est. C'est faux. Bah c'était il y a 8 jours, c'est vrai. Merde. Pour de vrai? Ouais, le 28. Ça craint pour la maman. Pour non, mais attends, à quel moment tu acceptes qu'on viole ta fille de 10 ans? Bah écoute, je sais pas. C'est-à-dire parce que moi je me suis dit, un fou, deux fous, ouais, mais trois fous. Une famille de fous. Mais pourquoi? Bah je sais pas, il n'y a pas d'explication là, ça s'est passé il y a une semaine. Vous avez été arrêtés les mecs? Ouais, ouais, ils vont rentrer en procès, c'est les voisins qui ont appelé parce qu'il y avait du tapage nocturne. Il y a la peine de mort au Mexique ou pas? Je sais pas. Ah, sinon ils y passent. Bah obligé, trois en temps. Attends, mais et la mère a été d'accord qu'on viole sa fille? Bah la mère regardait le père violer sa fille pendant que la cousine tenait la bouche de la petite pour pas qu'elle crie. Ah ouais, c'est sympa là. C'est un niveau. Ça, c'est une famille de vraiment, ça doit coucher ensemble ça. Bah la preuve. Bah ouais, tu l'as dit. Bah oui. Ouais, justement, mais c'est. Bah là, c'est ça fout un froid là. Ouais. Bon. Ouais, c'est dingue. Ouais. Ça, c'est sale. Hein. Putain, alors. Ça s'appelait Victoria. Merci beaucoup. Donc, du coup, zéro pour Lucille et zéro pour Kylian. On va se faire la suite dans un instant. On se termine le jeu et après, on se fait l'énigme. J'ai les PS4 à vous filer, des Xbox One. Dès votre réveil, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Comment s'est passé votre week-end, Nico du Web? Bah, moi, très bien. Je continue à organiser mon mariage le week-end prochain. Oh. Et du coup, alors, j'ai pris mon premier cours de rock. Voilà. De rock, pourquoi de rock? Bah, ma copine veut absolument qu'on danse un rock au mariage. Et ça fait 9 ans que je suis avec elle, 9 ans qu'elle me tanne pour que je danse le rock. Donc là, elle m'a dit, si pour mon mariage, enfin notre mariage, tu ne danses pas le rock avec moi, je peux dire non pendant la soirée. Mais il va être bien ce mariage en 1960. Ouais. Rendez-vous demain, 6h, 9h30 sur Énergie. Salut, c'est Coé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu héros, non? Ouais, ça fait déjà jaloux, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Leclerc. Juliette, c'est toi qui m'as mis ça dans le chariot? Quoi, les déodorants compressés Dove? Ah bah, indispensable, maman. Tout petit, très efficace, idéal pour des aisselles plus belles, plus douces et une protection jusqu'à 48 heures. Tout ça dans ce truc tout petit? Oui, c'est le concept du compressé, maman. C'est parce que la beauté est à prix irrésistible chez Leclerc que du 6 au 17 septembre, le lot de deux déodorants compressés Dove de 100 ml, plusieurs variétés au choix, avec 40% de réduction immédiate, est à 2,88€, soit 14,40€ le litre après réduction. Voir modalité dans les magasins participants, produits extrêmement inflammables. Et même le prix est compressé. Mais que tu es drôle! Sorry, je me marie. Du lundi au vendredi à 19h45 sur Énergie 12. Quatre futurs mariés ont décidé de mettre en compétition leur enterrement de vie de jeune fille. Elles ne se connaissent pas, mais ce jour-là, elles ont accepté de se faire noter par les autres. Surprise et confidence, elles sont loin de se douter que leur futur mari les observe aussi. Avant le jour J, tout est permis. Enfin, presque. Sorry, je me marie. Du lundi au vendredi à 19h45 sur Énergie 12. Patient suivant. Alors, Madame Martin, de quoi souffrez-vous? Oula, oui, freinez encore? Oui, je vois, je vais vous prescrire de nouveaux disques et plaquettes de frein. Non, non, ne vous inquiétez pas, en ce moment, chez Motrio, c'est moins 25% sur le freinage, plus 38 points de contrôle offerts. Je vous en prie. Et pour la prochaine fois, gagnez du temps avec le devis et le rendez-vous sur motrio.fr. Oui, à bientôt. Ah, et si vous avez des copines, dites-leur de venir me voir. Chez Motrio, on s'occupe de toutes les marques. Motrio, simplifions l'entretien auto. Conditions de l'offre sur motrio.fr. Music only. Tant donné, en vérité, j'ai plus vers qui me tourner, je vais craquer.

Hey. Journée entière. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0. Du lundi au vendredi, sur Énergie. Allez, sur Énergie, bonne nuit, les mecs. Michael Jackson est-il encore en vie? La photo qui sème le doute. Ah oui, il y a une photo. Sa fille, elle a mis une photo. Une photo là. Qui tourne un petit peu. De quoi? Il y a une fille. Sa fille, elle a mis une photo, je crois, sur Instagram. Ouais, ouais c'est ça. Il y a une photo, mais j'ai pas vu la photo là. Bah, elle est floue un peu la photo. Et qu'est-ce qu'il y a en fait? Il y a une ombre, apparemment, je sais pas, c'est lui. J'ai pas vu, moi. Ah, il y en a qui disent que c'est. Bah, c'est des rumeurs, après, c'est un débat. Voilà. Ah, mais fais pas exprès un peu de faire ça. Ah oui, c'est un peu glauque. Ouais, de ouf. Ah ouais. Si vraiment ton père a essayé de mettre une photo d'un truc qui lui ressemble derrière en faisant un bisou, ouais, tout le monde, je sais pas. C'est un peu. C'est pour faire parler les après, gens. Après, c'est pas des familles. Ouais, c'est pas la famille. C'est pas une famille comme nous, quoi. Enfin, ouais. J'en ai un mot, quoi. Genre, bah, la famille Jackson, c'est. Ouais, c'est notre planète. Il y a le nom, il est c'est vraiment une autre planète, bah, c'est ouais. clair. Ouais. Ah là là, putain. Bon, et on termine le jeu des faits divers. Juste, il y avait 2 à 1. Je veux encore 2 Flo des cadeaux. Ouais. D'un côté, Lucille, de l'autre côté, Kylian. Et il parie sur des vrais ou des faux. Et il nous raconte des meurtres, Flo des cadeaux. Il faut savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Concentrez-vous et on t'écoute, Flo des cadeaux. Alors là, ça s'est passé aux États-Unis. C'est deux femmes âgées de 72 et 73 ans ouais. qui ont appelé trois ouvriers pour qu'ils viennent faire des travaux chez elles. Et en fait, il y en a une des deux qui avait une arme et qui les a menacées avec. Et en fait, elles les ont obligées à avoir des relations sexuelles avec elles. Donc, il y en a une qui menaçait les ouvriers pendant que l'autre faisait l'amour avec l'un des deux et s'échangeait à tour de rôle. Une fois sorties, les ouvriers ont porté plainte et elles seront jugées le 2 octobre prochain. Est-ce que tu peux répéter une fois en détail? Alors, c'est deux grands-mères de 72 et 73 ans qui ont appelé trois ouvriers pour qu'ils viennent faire des travaux chez elles. Il y en a une des deux qui avait une arme. Et donc, en fait, pendant que l'une menaçait les ouvriers faisaient l'amour à l'autre. Et elles s'échangeaient comme ça à tour de rôle. C'est un peu une mauvaise blague. Et quand les ouvriers sont sortis, ils ont appelé la police, ils ont porté plainte. Et elles seront jugées le 2 octobre prochain. Ça s'est passé où? À Jackson. En Pennsylvanie. Ah, Michael Jackson avant, on il parlait. Il avait vu des noms de ville. Lucille, vrai ou faux d'après toi? Les vieilles qui, de mamie qui menacent avec un flingue pour se faire brouter. Vrai ou faux, Lucille? C'est faux. C'est faux d'après toi, très bien. Kylian? Vrai. C'est vrai, très bien. Vrai pour Kylian, faux pour Lucille. Alors attends, moi je dirais quand même faux, je s'agère. Ah, c'est nul, mais c'est vrai. C'est nul, c'est vrai. C'est vrai, je suis sûr c'est vrai. J'aime c'est tellement ça. Moi je dis faux, c'est faux. Attends, Julia. Ça moi, je pense que c'est vrai, bon délire quand même. Bah, c'est vrai non, bon délire. Délire sympa quoi. Tu fais l'amour avec du viol quoi. Elles sont ouais, c'est un viol inversé. Ils se sont fait menacer. C'est vrai les cadeaux. La réponse, moi je dirais faux et la réponse est. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est faux. T'as dit Kylian? Si j'aurais été vu un stagiaire, il aurait été content. Il aurait été content, ça fait 4 ans qu'il l'a pas fait. Bah, moi non! Non. C'est 5 ans, il l'a fait cet été. Ouais, là. C'est vrai. Et pas être menacé par une arme. Non. Non, attention, ça y est là. C'est reparti. Hein. Je garde la sphère. Je suis le chasseur. T'es là. J'ai déjà assez dit ça au bout de 5 ans. J'avais 5 ans qu'il avait paniqué. Ouais. Et il a quand même gardé la foi. Quoi. Ouais. J'avais vraiment écrit Jackson en plus cet après-midi. Hein. T'avais vraiment gardé. Ah ouais, non, c'est vraiment, vraiment. Ah, c'est vrai? Ouais, ah, le destin. Ah, ouais, d'accord. Bon, bah, très bien. Et bah, y a pas de hasard. Et allez, un petit dernier pour Fifi. Lucille et Kylian, écoutez bien, c'est le dernier. Alors là, c'est encore aux États-Unis. C'est une enseignante de 25 ans qui a contacté un de ses élèves quand on avait 17 sur Facebook. Ils sont vus et ils ont couché plusieurs fois ensemble. Et en fait, le garçon a demandé à la prof d'offrir un cadeau à son frère qui allait avoir son anniversaire. Il allait avoir 15 ans et son cadeau, bah, elle a couché avec le petit frère. Et en fait, elle a parlé de ses aventures à un ami qui a appelé la police. Et le plus grave, c'est qu'elle a 2 MST et elle risque 17 ans de prison. Ah ouais. Vous voulez qu'il répète, Lucille, ou qu'il vienne, c'est oula, bon oula. Ouais, répète. Vas-y, répète. Répétez, attention, concentrez-vous, parce que je sens qu'il est en train de nous... Ah bah là, violemment. On t'écoute. C'est une enseignante qui a C'est une enseignante. Une enseignante. Il bafouille, il est stressé. Ouais. Non, ça va. Il est pas bien. Non, tout va bien. Qui a contacté un de ses élèves sur Facebook. Qui a contacté la prof. D'accord. Sur Facebook. Très bien. Sur Facebook, une prof qui a contacté un élève sur Facebook. Voilà. Et ils se sont vus plusieurs fois. Où ça? Ils ont couché plusieurs fois ensemble. En Pennsylvanie. Je croise les infos. Ça s'appelle Jackson ou pas? Non. En Pennsylvanie, ouais. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé le 12 juillet. Le 12 juillet, t'es moins à l'aise que les autres. Ah ouais, ouais. Tu rougis, Flo. Vas-y, vas-y donc. Pourtant, ensuite, c'est vrai. Ensuite. Et donc, en fait, ce garçon qui a couché avec sa prof avait un petit frère. C'était l'anniversaire. Il a demandé à la prof de lui offrir un cadeau. Et le cadeau qu'elle a trouvé, bah, c'est de coucher aussi avec le petit frère. Et du coup, en fait, elle a. Quel âge le petit frère? 15 ans. Ah oui, ça va. Et elle a raconté ses aventures à un de ses potes qui a appelé la police parce qu'il trouvait pas ça normal. Ouais. Le problème, c'est qu'elle a deux MST. D'accord, ok. Deux MST, ouais. Elle couche comme ça, gratuit. Deux MST et sans capote. Bah, apparemment, sans capote, ouais. Dans ton mytho, c'était elle pour savoir. Kylian, non. Vrai ou faux? En tout cas, il y a des risques quand même. Faux. Ah ouais, premier faux, Kylian, parce que Kylian, il est que sur les vrais depuis tout à l'heure. Faux, ouais. Après on se fait des lignes. Lucille, si vous voulez des cadeaux, je vous file l'Xbox One et les PS4 juste après, là. Ouais, Lucille, vrai ou faux? Vrai? Ouais. Très bien, vrai pour Lucille, faux pour Kylian. J'ai un stagiaire. Moi, je le crois pas, c'est faux. La prof qui couche. Bah non, trop gros. C'est un film le truc. J'aime ça. Moi je vais dire vrai parce qu'il y a des trucs. Toi tu dirais. Oui, il dit vrai. Je dis vrai parce qu'il y a des trucs qui ont tourné comme ça. Ah. Il y a des histoires. Les profs. Ouais, c'est un fantasme. Julia, faux. Moi je dis que c'est faux. Merci toi. C'est quoi cette radio là? Excusez-moi. Non, parce qu'il y en a pas un qui fait une phrase correcte. On va se jouer au chat de Sacha chez ce cher Serge. Et on va se faire un jeu des hôtels pour terminer, parce que c'est pas possible. Hein. Flo des cadeaux, faudra aller chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. Faudra pas que t'oublies. Hein. Avec plaisir. Tu iras chercher quoi? Le chat de Sacha chez ce cher Serge. Merci. Ah, ouais. Moi j'ai vu ma cousine deux fois parce que la famille du côté de mon père s'en insiste avec elle et je suis Catalandais. Salut Flo du 31. Salut. Salut. Salut. Lucille. Lucille, t'as dit que c'était vrai et Kian que c'était faux. La prof qui couche avec toi. Moi je vais dire vrai, Flo les cadeaux. Non, je vais dire culé, bah, une souris là. Je vais dire faux, Flo les cadeaux. Je vais dire faux. Et la réponse est. C'est faux. Je suis content qu'on finisse là-dessus parce que c'est vrai. Ah en plus, il a fait bon là. Il a un pervers, il est content. Mais non, je suis content qu'il ait changé. Et la seule fois où tu dis faux, Kylian, c'est que c'est vrai. Ah ouais. Et Kylian, il est pas bon. C'est pas de ma faute. Non, mais t'as touché, mais moi aussi j'ai touché, t'inquiète. Il a dit que c'était vrai. Non, mais il est bon. Ah bah oui, je l'ai dit, vous me croyez. Non, mais il dit tout le temps que c'est vrai, tu crois quoi. Salut l'équipe, moi mon grand-père a joué à la vraie roulette russe avec mon père. Résultat, mon père traumatisé pendant 2 ans. Non, c'est pas possible ça. Bah non, tu joues pas avec ton fils à la roulette russe, j'y crois pas une seconde. Oh. À quoi que t'as des barjots. Ah, mais pourquoi? Avec de l'alcool, y a non, non, mais avec de l'alcool, vas-y, vas-y, allez, t'as pas de couilles et tout. Pour bon. De l'argent. Mais non. Salut Guillaume, le copain, mon ex m'a menacé de mort, je dois faire quoi? Bah, je sais pas, appelle la police si te menace de mort. Hein. On est pas au Far West. Hein. Je pense que si je viens stagiaire, faisait de la muscu pour avoir des coups plus souvent, j'ai pas compris. Salut Mathieu. Ah oui, se faire shooter quoi. Ah, attends, j'aime ça. T'as une bonne vanne ou pas? Parce que tu devais trouver une vanne là. Ouais, j'en ai. La vanne de 22h09, t'en as une bonne? Ouais, j'en ai, ouais. Ah, demain 22h09, la vanne. Avec plaisir, Guillaume. La blague de JM elle sera là. La vanne moisie JM, on mettra. Non, on mettra. Hashtag moisie. Alors, on mettra. Deux, toujours. On pourra mettre un petit hashtag demain, je pense. Avec plaisir. Le faire monter en titi. Ah ouais. Kylian, bravo frérot, t'as marqué un point contre 4 pour Lucille, mais t'as été là, vaillant. Bah ouais, au moins que tu sois venu pour moi. Vas-y, vas-y, je t'écoute, Une grosse dédicace à Wilfried, le fou de Boissy, du collège, à Julien, Jurad, Hilton, à tout le collège, à vous, surtout les gars, changez rien, ça fait 4 ans que je vous écoute, vous êtes super. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est sympa, mon Kylian. Merci beaucoup. Merci mille fois, un poteau, de passer, d'écouter et tout. Ah, c'est vrai, hein. C'est 4 ans, je vous écoute. C'est vrai, putain, bah, c'est trop sympa. C'est beau, quoi. Ouais, putain, je suis trop content de repartir sur une année et tout. On a bien rigolé encore cette année. Je t'embrasse, mon poteau. Je pourrais avoir un poster d'éducation ou un truc ouais. comme ça? Ouais. Eh bien, merci. Pas de rien. avec plaisir, avec plaisir. Tu veux que je te marque un truc en particulier sur le poster ou pas? C'est un bisou dessus. Écrire mon prénom et c'est de mon pote Wilfried, Julien et Jura Dilton. D'accord, ok. Ouais. Parce que tu vas donner à Flo des cadeaux. Ouais. Il s'occupe des posters aussi. C'est Flo des cadeaux et des posters, mais c'est un peu long comme. voilà. Alors, par contre, je peux t'envoyer un poster de l'année dernière parce que les nouveaux, je les ai perçus avec 22h minuit. Parce que les horaires, on les a décidés hier en fait. Hein, donc, là, on a fait la séance photo et tout, mais si tu veux, parce que sinon, tu vas mettre un mois à le recevoir. Je vais t'envoyer les anciens en sombrant, ils sont très bien. Hein. Okay. Hein, tu vois. Au pire, tu prends un marqueur hein, comme moi sur Tu changes l'horaire. Minuit, tu barres et. Ouais. Et ça marche bien, toi, tranquille. T'as une meuf ou pas, Kylian, toi, tu. Non, je suis célibataire là. Ouais, t'es... Ça fait 5 mois, ouais. Ah ouais, d'accord. T'es comment physiquement, toi? T'es plutôt grand, plutôt petit, plutôt... Je suis moyen, 1m70, 68. Ouais, t'es brun, t'es blond, t'es comment? Je suis châtain, aux yeux clairs. Châtain, aux yeux clairs, ah, ouais. Beau gosse. T'as une origine genre un peu de l'Est, un truc comme ça? Non, français. Ouais, français, ouais. Parce que parfois, châtain aux yeux clairs, ça peut être des... ouais, des slaves. Des lapons. Enfin, des mecs qui habitent dans la neige. Non, mais c'est pas une vanne en plus. Hein, tu sais, comment ça s'appelle? Laponie. L'ADN s'est fait... enfin, a évolué, je pense, encore en fonction de là où t'habites. Hein, bah oui, c'est bizarre, ça. Hein. C'est pour ça que les peaux blanches sont plus vers le nord, les peaux noires sont plus vers l'équateur, ou les peaux foncées, les mexicains. J'ai jamais compris pourquoi. Les yeux bridés, pourquoi, Florian Gado? Bah, c'est parce que là-bas, il y a beaucoup de plaines, et donc c'était pour se protéger du vent. C'est vrai? Mais non. Ah si, c'est possible. Hein. Si. Putain, mais... Donc ils sont nés pas bridés. Non, mais la nature est vachement bien faite. C'est pour ça qu'en Mongolie, ils ont les yeux très bridés, parce que là-bas, il y a vachement parce qu'il y a beaucoup de vent. Ouais, il y a beaucoup de plaines avec beaucoup de vent. Non, mais c'est vrai. En France, il y a du vent aussi, en France. Et la peau noire, elle est moins réactive au soleil quand il y a des... Enfin, on peut prendre des coups de soleil. Moi, j'ai un meilleur pote qui est noir, et il prend des coups de soleil quand même. Et il met de la crème, ouais. Ah, bien sûr. Bah, évidemment. Je trace des grappes quand on voit des SMS pendant que t'es à l'antenne. Ça t'entend un petit peu à l'antenne, par contre. Juste, Lucille, tu veux faire une dédicace avant de partir, la grande gagnante. Bravo. Ouais. Franchement, je vous kiffe trop, quoi. Ah, merci, ma chérie. Bah, c'est trop cool, Lucien. Je continuerai à vous écouter, quoi, tous les soirs après le travail. Vas-y, hein, bah, on est à 2 heures par jour, mais on est bien hal. Ouais, gardez la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Ça va de soi, seul, je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je fais ma soirée. Perfect illusion de Lady Gaga, pas de problème, je le note. Théro, bon vieux temps, mon anniv est le 12 juillet, je suis deg. Moi, je n'ai pas vu mon parrain depuis 21 ans, je vais t'appeler avec plaisir. On se fait juste Major Lazer. Avec Justin Bieber, Cold Water, je le cale depuis tout à l'heure, je lui ai dit que je le calerai. Je t'embrasse, ma chérie, gros bisous, Lucille. Gros bisous à tous. Je t'embrasse très fort, bisous, bisous. Il y a Alexandre du Québec, tu m'entends, Alex? Oula. Je t'entends. Ça va ou quoi? Tu bouges pas, on te prend l'antenne, juste après Major Lazer, d'accord? Justin Bieber, et on se fait l'énigme. Ouais. Il y a Alex qui est là pour l'énigme à Montreuil, prépare-toi, mon Alex. Ouais. Vas-y, frérot, on file des PS4 et des Xbox One sur Énergie Première, Radio France, à partir de 22h. C'est Guillaume Radio 2.0, les mecs, merci d'être avec nous en tout cas. Et découvrir l'émission, ça sera peut-être pour la première fois sur Énergie. To different places, I will still be patient with you. De 22h sur Énergie, plus rien n'existe à part nous. Tous ensemble, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. C'est dingue, avec quoi je fais les jingles avec un feutre. Bon, bonne nuit les mecs, Guillaume Radio 2.0. Il est où le bonheur? Il est où? On est avec Alex, tu m'entends, Alex de Montreuil? Il est Allô, si. C'est qui le papa? Salut, Alex. Salut. Salut tout le monde. Il était 23h45, ce lundi 5 septembre 2016. Lorsque Alexandre du 93 arriva sur cette radio libre, dite Guillaume Radio 2.0, il venait d'assassiner une personne à main nue. Il appela Guillaume pour lâcher une énigme. Lorsqu'il demanda à parler à son complice Julien le stagiaire en direct, et dévoila le larcin devant plusieurs millions de personnes. Je préfère la voix off de Faites entrer. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça serait plus drôle que réel, mais. C'est un peu austère, ouais. Bon, ça va, mon Alex, ou quoi? Montreuil, dédicace. Bon, ça va très bien, merci. Ouais, ça hein. Se passe. J'espère que vous allez bien, vous. Hein. Okay. Ouais, ça va. Hein. Ah, ben, oui, hein. Ben, c'est super. Merci. Les vacances étaient bien, ouais. Ouais. Les vacances étaient bien. T'as fait quoi, Alex, pour les vacances? Je suis parti en Bretagne. En Bretagne, voilà. Ah, c'est bien. En Brebreu, t'étais où en Brebreu? Plutôt vers le Finistère et tout, c'était un trou perdu. Bon, c'était bien quand même, mais bon. Ouais, ok, très ça bien. Ça passe, hein. Ok, bah ouais, la Bretagne, la c'est beau, hein. La Bretagne, ça vous gagne. C'est vraiment énorme. La Bretagne, moi j'adore, hein, personnellement. Le Chouchen, tout ça, vraiment, tu manges bien, tu vois. C'est vraiment un kiff. Hein, la Bretagne, vraiment, ça me rappelle Mano, tout ça. Non, mais j'adore, moi. Moi je suis normand, Normandie, basse Normandie, et puis ça ressemble à la Bretagne, c'est vraiment magnifique. Hein. Ouais. Bon, t'as des origines bretonnes, personnellement, ou pas, non? Non, pas du tout. Ouais. Mais bon, on est tombé sur un camping comme ça il y a super longtemps. Enfin, j'y vais depuis que je suis tout petit, alors je connais tout. Ouais, c'est trop bien. Bon, après, ça passe le temps, quoi. Ouais, c'est bon, ça, c'est trop... pas bah, sur ça Paris, change. Quoi. Exactement. Ah, bah, c'est ouais, des paysages. Tu prends l'air et tout. Les paysages. Tu vas, tes parents, ils sont encore ensemble ou ils ont divorcé? Ah non, ils sont encore ensemble. Ah, trop bien, c'est une chance, ça. Ouais. Et ah, vous ouais. Partez, t'as des frères et sœurs ou t'es solo? J'ai un frère, mais il vient jamais. C'est bon, lui, il travaille. Pour... Ouais, il s'en bat les couilles. Il n'y a pas le temps. Ouais. Ouais, c'est clair. Et t'as des potes et tout, genre au camping là-bas, ouais, y a des meufs un peu? Ouais, enfin, j'ai failli. T'as failli quoi, quel genre? Non, mais j'ai failli au moins. Embrasser une fille, quoi. T'es chaud, ouais, ouais. Et alors, et pourquoi ça s'est pas fait? Bah, parce que, en fait. On était en groupe de potes bon autour d'une table de ping-pong. Ouais. Wow, super. Ouais, et en fait tout le monde est parti se coucher parce que en fait sa mère et tout elle a dit oui allez vous coucher tout. Alors donc en fait je me suis retrouvée tout seul avec cette fille. Ouais. C'est voilà. Bon, ah ouais. Oh là là. Quel âge elle avait la meuf? Bah, elle avait 14 ans comme moi. Ouais, c'est bien, c'est bon. C'est bon âge. Et en fait, après, il y a la mère comme ça qui est revenue et puis qui a dit quand c'est tout le monde, c'est tout le monde. Alors, donc, en fait, après, la fille est partie se coucher et moi, j'étais tout seul. Ah putain. Et t'as gardé son portable ou pas? T'as gardé son numéro? Ah bah non. Ou son Facebook, c'est vrai? Même pas? Non, même pas. On se connaissait pas non plus. C'est ça qui est marrant. Vraiment, quoi. Putain, mais ça, fallait vite prendre. Ah ouais, ça commence comme ça, là. Non, mais là, fallait. Là, ça, c'est arrivé, mais alors, plein de fois. Lâche pas. Mais après, c'est ça, c'est l'expérience. Ouais. Après, quand tu te fais avoir 3-4 fois, que tu prends pas les numéros. Non, mais c'est vrai. Et en fait, du coup, tu regrettes. Tu dis, putain, j'aurais peut-être dû. Fais chier, j'aurais dû prendre les numéros. Au moins, essayer. Au pire, ils te le donnent pas. Comme dire, j'aime ça, au moins. Tu vois. Et on va lâcher l'énigme juste rapidement. Il y a 6 phrases. Le but du jeu, c'est de trouver rapidement la bonne réponse. C'est pardon, comme un combat d'escrime. Le but du jeu, c'est de trouver le plus vite possible, mon Alex. Toi, tu fais du ping-pong, moi, je fais de l'escrime en direct. Ouais, non, le but du jeu, c'est d'essayer de trouver rapidement la bonne réponse. On fait un tirage au sort parmi ces réponses. J'ai soit des PS4, soit des Xbox One. Voilà. Vous envoyez juste Guillaume au début du SMS, hein, si vous découvrez mon émission. Vous mettez le mot que je cherche, ça c'est pour jouer. Si vous mettez pas Guillaume, il n'arrivera pas dans mon studio, même si vous envoyez au bon numéro. Guillaume en espace, la bonne réponse avec votre numéro dedans au 6, 11, 12. On t'écoute quand tu veux, Alex. Ok, alors c'est parti. Il y en a des périlleux. Ceux à l'élastique font peur. On peut en faire en parachute. Celui du lit est juste après s'être réveillé. Pour les chevaux, il est d'obstacle. Il faut aller le plus loin possible pour celui en longueur. Qui suis-je, ma gueule? Alors, ma gueule, est-ce que tu peux me redonner, s'il te plaît, l'énigme, que je la note? J'ai pas pris mon stylo là, il marche pas celui-là. Vas-y, redonne, je note, vas-y. Ok. Je te paye un ping-pong premier. Vas-y. Je t'écoute. Il y en a des périlleux. Il. Attends, deux secondes. Il y en. Attends deux secondes. Hein. Il y en a des quoi? Des périlleux. Des périlleux. Très bien. Ensuite, deuxième. Voilà. Numéro 2. Ouais. Ce à l'élastique. Point à la ligne. Ce à l'élastique. Ce à l'élastique. L'élastique ouais. Ont peur. Ouais. Voilà. Il y en a des périlleux. Ceux à l'élastique font peur. Troisième. Voilà. Troisième. On peut en faire en parachute. Musique de conspiration. Pas vraiment de tête. Il y en a des périlleux. Ceux à l'élastique font peur. On peut en faire en parachute. Quatrième phrase. Voilà. Celui du lit est juste après s'être réveillé. Celui du lit est juste après s'être réveillé. Cinquième. Pour les chevaux, il est d'obstacle. Pour les chevaux, il est d'obstacle. Oui. Et dernier. J'ai pas encore dit il faut aller le plus loin. Calme-toi. Ah, il s'enflamme là. Pour les chevaux, il est d'obstacle. Celui du lit est juste après s'être réveillé. Oui. Il faut aller le plus loin possible pour celui en longueur. Je l'avais noté à la fin, ça c'est ce que j'ai réussi à noter. Il faut aller le plus loin possible pour celui en longueur, le 1 en longueur. Guillaume, un espace est le mot. Allez-y maintenant, Guillaume, un espace est juste le mot. Avec votre numéro de téléphone dedans au 6 11 12. Guillaume, un espace le mot. Avec votre numéro de téléphone au 6 11 12. Allez-y rapidement si vous avez trouvé. On se cherche la réponse à cette énigme ce soir. Est-ce que ça serait une action? Non. Est-ce que ça serait de l'aventure? Pas du tout. Est-ce que ça serait un lance-pierre ou un chouchou? Non. Ceux à l'élastique font peur, on peut en faire en parachute, il y en a des périlleux. Est-ce que ça serait les cheveux? Non plus. Guillaume est la bonne réponse au 612. Est-ce que c'est un combat? Non. C'est pas ça, un combat périlleux. Celui ouais. Du lit est juste après s'être réveillé. Est-ce que ce sera un avion ou un duo? Pas du tout. Un tapis ou un chausson? Non plus. Salut 06 32 47 79, etc. Salut à toi, poteau. Est-ce que ça serait une couette? Non, et c'est encore. Celui du lit est juste après s'être réveillé pour les chevaux et les obstacles. Les gars, si vous voulez jouer rapidement pour gagner un cadeau, il y a des PS4 ouais, et des Xbox One à vous offrir. Est-ce que ça sera un traversant? Non plus. Est-ce que ça sera un oreiller? On avait dit non. Non. Un bol? Non plus. Une brosse à dents ou une douche? Pas du tout. Non, c'est pas ça qui suis-je. Est-ce que c'est un verre? Non. Non, c'est pas ça. Guillaume, donc, est la bonne réponse. Marquez bien votre numéro de téléphone que je puisse vous rappeler au 6 11 12. Il est 23h53, on a fait les lignes beaucoup plus tard que d'habitude. Il y a beaucoup plus de chances de gagner que d'habitude du coup. Et on se retrouve juste après ça. Vous serez les premiers à avoir le téléphone que tout le monde veut. Le nouvel iPhone, l'iPhone 7. Vous gagnez en plus un MacBook Air. C'est le pack Énergie Apple. Dès que vous entendez le double hit. DJ Snake avec Justin Bieber et DJ Snake à la suite. Soyez les premiers à appeler Energy 3937 et vous gagnez le pack Energy Apple avec l'iPhone 7 et le MacBook Air. Energy numéro 1 sur les hits pop, R&B, dance. Hey, salut, c'est Coé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu héros, non? Ouais, ça fait des jaloux, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Du lundi au vendredi à 19h05 sur Chéri 25, une famille dans le besoin. Clairement, on ne sait pas demain si on aura un toit sur la tête. Mais t'as dit jamais je ferais subir ça à mes enfants. Des centaines de personnes pour lui venir en aide. Vous avez du cœur, Léon Savoyard. Voici donc la maison. Ça part en lambeaux, mais de partout. Solidarité. Allez, chaîne humaine, les gars. Partage. Allez, c'est parti, les gars. Bienveillance. Bienvenue dans votre maison. Tous pour un, présenté par Marc-Emmanuel Dufour. Du lundi au vendredi à 19h05 sur Chéri 25. Leclerc. Ouais, vive la rentrée! 40% de réduction immédiate chez Leclerc! Enfin Philippe, c'est quoi tout ce refus? Ah bah 40% de réduction immédiate en ce moment chez Leclerc et sur de nombreux produits. Des rentrées comme ça, moi j'adore. Ah bah dis donc! Est-ce que quelqu'un aurait envie de quelque chose? Je vais faire un saut chez Leclerc! C'est parce qu'à la rentrée, on a encore envie de se faire plaisir que chez Leclerc, du 6 au 17 septembre, vous bénéficiez de 40% de réduction immédiate sur de nombreux produits. 20 modalités dans les magasins participants. Ah c'est vrai que 40%! Voilà! Vive la rentrée chez Leclerc! Ils arrivent à le faire pendant 2 heures, sans s'arrêter. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour sur Énergie en pleine énigme. En 2 secondes, là, on faisait l'énigme de la soirée comme chaque soir. Il y avait des PS4 et des Xbox One à vous offrir. Aujourd'hui, il y en a des périlleux. Ceux à l'élastique font peur. on peut en faire en parachute. Celui du lit est juste après s'être réveillé. Pour les chevaux, il est d'obstacle. Il faut aller le plus loin possible pour celui en longueur. Voilà, qui suis-je? Donc on cherche le mot. Salut, je suis trop motivé. Eh ben, y a pas de problème. Faut bien lâcher son numéro de téléphone, les mecs, dans le SMS. Guillaume et le mot au 612. Est-ce que c'est une brosse à dents? Est-ce que c'est une brosse à dents, Alex? Non, non, non, non, c'est pas ça. Bah, on t'entendait plus. Est-ce que ce serait le parcours? Non plus. Un itinéraire? Non. Est-ce que ça serait un marathon ou le relais? Non plus. Une largeur, la largeur? Pas du tout. Non, c'est pas ça. Qui suis-je alors? Est-ce que c'est du pain? Non. Non, c'est pas ça non plus. Alors, qui suis-je? Guillaume, non, qui est le mot, avec votre numéro de téléphone dedans au 6, 11, 12. Est-ce que ce serait une tasse? Et c'est encore. Un traversin? Non. Non, c'est pas ça non plus. Il y en a des périlleux, ceux à l'élastique font peur. On peut en faire en parachute avant de se faire un jeu des hôtels dans 2 minutes sur Énergie. Celui du lit est juste après s'être réveillé. Pour les chevaux, il est d'obstacle. Il faut aller le plus loin possible. Pour celui en longueur, réfléchissez bien les gars, en 2 secondes vous le trouvez. Petit message, vite fait, bien fait. PS4, Xbox One ou les bracelets connectés Fitbit aussi, s'il y en a qui le veut. On vous les offre maintenant là sur Énergie. On va faire un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Il est 23h56 en ce lundi soir. On est en direct, hein, je précise. On est là, ouais. Je vous jure que c'est pas une couille, on n'est jamais en enregistré, donc il n'y a que du direct. Ouais. Est-ce que ce serait le saut? Oui, c'est ça. Eh ben, ça. C'est le son. C'est une bonne réponse de la part de Alex de Montreuil. Bonne réponse, Alex, qui nous a balancé ça. Et donc on va, s'il te plaît, JM du standard, ouais, avec le logiciel, nous sortir un numéro de téléphone au hasard parmi tous ceux qui ont envoyé saut, S-A-U-T. Du coup, il y en a des périlleux, saut périlleux. Ah oui. Ceux à l'élastique font peur. Le saut élastique, hein, c'est malin. Comme au JO. Par contre, faut vraiment répondre, hein, si je vous appelle en numéro caché, les gars. Allô. Allô. Ouais, ça va ou quoi? Ouais, ça va. Putain, t'as la même voix que celui qui donne l'énigme. Ouais, c'est énorme. C'est quoi ton prénom? C'est Anatole. Ah, ça va, Anatole? T'es d'où, Anatole? Salut. Je suis de Nanterre. Nanterre, enchanté, dans le 92. Ouais, Haute-Seine. Ouais, putain, j'y crois pas. T'as vu que ça marche? T'as quel âge, Anatole? Elle a 14 ans. 14 ans. Bon, bah, bienvenue. T'es dans quel bahut? Je suis à Saint-Rambert, à Saint-Germain. D'accord. T'as vu que ça marche pour de vrai, hein? Ouais, putain, j'y croyais pas. On va faire tourner la roue des cadeaux, frérot. Il y a Julien Stagiaire qui va la faire tourner toutes ses forces. Ouais, j'y vais. Il y a des PS4 demain à vous offrir. Il y a des Xbox One. Il y a des bracelets connectés Fitbit aussi, d'accord. Qu'est-ce que t'aimerais le plus, toi? Je sais pas. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est de passer les gestes. Ah, c'est beau. Ah, c'est normal. Alors, ça, c'est émouvant. Alors, ça, c'est beau, ça. Ouais, bien joué, mec. C'est vrai, Anatole? Ah, merde. Tu te fais engueuler par ton père? Et ton daron? Ouais. Oh merde. Attends. Dis-lui, préviens-le. Il y a un cadeau. Attends, je fais tourner la roue des cadeaux en speed. Vas-y. Tiens le coup, hein, 3 secondes. 3 secondes, 23h58, t'es en direct, donc c'est normal. Et t'as gagné une Xbox One. Ah bah, les gars, je te l'envoie demain matin, d'accord? Bien joué. Dis à ton père, tu as gagné 500 boules, d'accord? Ah ouais, ça va le calmer. Il peut être plus d'accessoires et tout. Ok, vas-y, fais une dédicace en speed. Ouais, bah, une dédicace à tous mes amis, Clara, Maxime. À se faire défoncer. Je t'inquiète pas, je te rappelle demain pour l'adresse, frérot, si jamais tu te fais engueuler, d'accord? Bon courage. Okay. C'est promis, tu l'as gagné, t'es passé à l'antenne, c'est sûr. Ok, bravo, gros bisous. Gros bisous. Okay. Bisous. Je te repasse Julien en 10 secondes pour l'adresse. Ciao. Salut, okay. Moi, Anatole. Ciao. Alex, tu veux faire une dédicace de Montreuil avant le jeu des hôtels? Bien sûr. Bah, je vais faire une dédicace à mon lycée Condorcet où je viens d'arriver. Bon, je connais pas grand monde, mais bon, ça va, ils sont sympas. Hein. Donc, dédicace à eux. Et puis à vous aussi, hein, quand même, c'est important. Vas-y, dédicace, hein. Y a pas de problème. Merci, moi, Alex. Ah, bah ouais. Merci, c'est gentil, mec. Merci beaucoup. Écoute, je te repasse Flo des cadeaux aussi, d'accord? On va voir, ouais, si on peut t'envoyer un petit truc. Ah, merci. C'est gentil. Hein. Bah, si déjà je pourrais vous rencontrer un jour, Inch'Allah. J'aimerais bien. Alex de Montreuil, pourquoi tu viens pas nous voir à la radio? T'es pas loin? Moi j'aimerais bien, mais bon, c'est après, même métro, c'est avec les visites et tout. Ouais, on en fait bien, tout le temps, ouais, des visites, on va en faire avec plaisir. Dès que c'est les vacances, là, pour que tout le monde puisse venir. Faut qu'on se cale, ça. Ouais. Pendant les vacances, on se mettra 2 heures. Déjà, ouais. On va se mettre 2 heures une après-midi, on fera une visite, même s'il y a 500 personnes, on fait. Comme au musée. Ouais. Ouais, on fera des groupes et tout, on s'en bat les couilles, t'inquiète. Ah. On va s'organiser ça, d'accord? Oh, merci. Ou alors on fera même des rencontres devant et tout, ouais, comme ça. Ah oui, tranquille, quoi. Je te fais un bisou, mon pote. Je te passe Flo. Bah, d'accord. Moi aussi. Des gros bisous, tout le bisous. Monde. Hein. Salut. Vas-y, ciao. Ouais. À bientôt. Ciao, Alex. Ciao. Ouais, gros bisous, ciao, Alex. Et juste bonne nuit, hein, bon courage pour les cours demain. Ah, merci. Pour deuxième jour. Bah ouais, oh là c'est là pour bien. Ça. Ça va bien se passer, c'est t'inquiète. Pour ça. T'inquiète, à minuit pile, ça y est. Ouais. On est déjà 6 septembre. Ça y est, ouais. Alexandre qui est là du Québec, tu m'entends, Alex? Ouais, je t'entends. Ça va ou quoi, Alex? Enchanté, hein. Salut. Ouais, ça va, Alex? C'est qui le papa? C'est qui le papa? Tu connais bien l'émission, Alex? Ah oui, ça fait au moins 3 ans, 2 ans et demi, ouais. C'est vrai? Non, c'est génial. Putain, ouais. C'est au Québec. C'est sympa, mec. Merci beaucoup, hein. Putain. Je l'écoute pendant les cours. Je l'écoute avec mes écouteurs. C'est ça. Putain, c'est trop cool, quoi. Merci beaucoup, man. Il est quelle heure? Il est 18h, là. 18h. Moi aussi. Ah ouais, t'as 6h. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Ah ouais, putain, il est 18h quoi. Ah ouais. Il fait encore jour et tout quoi. C'est encore lundi toi. Là, nous, on est dans la nuit noire quoi. Ouais. Il est minuit, l'heure du crime. Ah ouais. J'aime mieux vous écouter quand il fait 18h que quand il est minuit parce que sinon, moi, je serais en train de dormir là. Ah bah ouais, ouais. T'es décalé. Attends, écoute, profites, c'est gentil en tout cas, merci beaucoup. Hein. T'habites où au Québec? Québec. Dans le centre-ville de Québec. Dans la province, puis t'as la ville. Ouais, t'as la province, puis t'as la ville de Québec, mais c'est ça. Putain, trop bien quoi. Et tu nous as découvert comment toi? Par une vidéo, c'était par Normand sur Twitter, il avait partagé une de vos vidéos quand il était venu sur Énergie en 2014. Là. Qui ça, Normand? Et, Norman. Ouais, ouais. Tu te rappelles quand t'avais fait une vidéo que t'avais mis une annonce de son appartement en vente sur... c'est sur cette vidéo que je vous avais connu. Ah, on s'est fait des coups de pute un peu. C'est un podcast. Ouais, il y a deux. C'était fait un peu. Ah, putain, c'est drôle. Ouais. Hein. Eh ben, vive le Québec, mon pote. Hein. Putain, j'adore l'accent canadien. C'est trop drôle. C'est trop drôle. T'es déjà venu en France ou jamais? Bah non, pour l'argent. Non, mais ça aurait pu venir en vacances. Ouais, on sait jamais. Hein. C'est énorme. Et écoute, si un jour on va au Canada, je te bip. Hein. On vient chez toi. Ouais. Avec grand plaisir, man. Bonne soirée. Trop sympa, quoi. Tu voulais. Merci. Tu voulais réagir, toi? T'habites avec ton père? Non, j'habite plus avec personne, en fait. Là. J'ai 18 ans, puis attends, mes parents se sont séparés quand j'avais 8 ans. Ben, il y a 8 ans, quoi. Il y a 10 ans. Et ben, après, j'étais vivre avec ma mère et mon beau-père, mais mon beau-père, il nous battait vraiment à coups de ceinture, etc. C'est que ce que j'ai fait, ben, à 9 ans, j'ai pris un avocat pour aller vivre avec ma grand-mère. Mais ma grand-mère, depuis 6 mois, elle est morte. C'est qu'en fait, je suis rendu tout seul. Oh, merde. Putain, merde. Voilà. Désolé, mon pote. Ouais. Et la seule famille que je vois... Bah, à Québec, dans un appartement, mais la seule famille que je vois, c'est ma soeur une fois ou deux semaines. C'est vrai? Et pour ta soeur, elle a quel âge? 20 ans. Et tu veux pas l'habiter avec elle? Une coloc? Ouais, c'est ce qu'on va faire bientôt là. Bah oui, ça va être moins cher. Attends, c'est quand même dommage de pas l'habiter avec. Hein. C'est la famille. C'est sûr. Bah ouais, putain. Ouais. Et du coup, t'habites seul? T'as une meuf ou pas? Non, pas encore. T'es étudiant? Ouais. Ah ouais? Toujours. Et comment tu fais financièrement alors si t'es tout seul? J'ai un héritage. Ouais. Ah, tu vis sur l'héritage? Bah non, je vis pas sur l'héritage, mais c'est pour m'aider quoi. Ah ouais, d'accord. Même si j'aurais pas eu l'héritage, j'aurais été capable de vivre pareil, mais voilà, ça m'aide. Ouais. C'est une sécurité. Mais t'as de l'argent du coup, tu travailles à côté? Depuis 2 mois, non. J'ai arrêté de travailler depuis 2 mois parce que ça a changé de gérante dans le magasin où je travaillais, puis elle est devenue casse-couille, puis voilà. Tu travailles dans un dépanneur genre? Non, dans un Dollarama, non, vous connaissez pas ça. C'est comme un magasin où ils vendent juste des choses à 1$. Ah oui, bien sûr. Il y en a des magasins. Parce que les dépanneurs là-bas, c'est ce qu'ils appellent les dépanneurs, c'est les night shops. Ouais, c'est ça. C'est les magasins de nuit. Ouais. C'est ça, on dit les dépanneurs, ouais. Non? Ouais. Ben non, un dépanneur, c'est où qui vend du gaz, là, du pétrole, etc. Non, c'est pas ça. Un dépanneur, nous, c'est pareil, un dépanneur. Mais un Dollarama, c'est un magasin où. Mais toi, t'appelles les stations essence, les dépanneurs. En fait, parce que tous les mots, ils ont un autre sens. Ouais, c'est ça. Toi, une station essence, t'appelles ça un dépanneur? Ouais, un dépanneur. Ouais, c'est ça, c'est parce que c'est les magasins un peu night shop, quoi. Comment tu dis les night shop, toi, les magasins de nuit? Les magasins de nuit? Ouais, attends, Jim Sonner. Ouais, c'est ça, je parle québécois. Ah, il dit dépanneur. Je suis sur un site. Ah, en il fait, parle québécois, voilà. Jim Sonner. Ouais, il s'agit en fait d'un commerce de proximité. Ah, voilà, le dépanneur. Ah, parce qu'en fait, il est là pour dépanner. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, t'as jamais entendu ça? Attends, mais moi, je suis allé 3 fois au Canada, j'ai entendu ça. C'est pas possible. Après, t'habites à Québec, moi, je suis à Montréal, donc c'est pas les mêmes expressions. Après, Marseille, t'as des expressions qui sont pas les mêmes que Paris, que Lille. Ah, c'est le même pays, mais pas le même langage. Merci, Jim. J'habitais avec mon beau-père, j'habitais à Montréal, là. C'est pareil. Hey, mais il y a une confrontation entre Montréal et Québec. Je sais pas si t'as remarqué, les Montréalais n'aiment pas les Québécois. Non, j'ai pas remarqué. Ouais. Ah, je suis pas rentré dans le. Ah, en France aussi, il y a des querelles de. Et juste pour terminer, parce qu'après, il y a Mickaël à minuit là. Ouais, je sais. Non, mais attends, donc toi, t'as pas vu ta maman depuis que t'as 10 ans, juste parce que ton beau-père, il te battait et elle a préféré rester avec ton beau-père qu'avec toi? Effectivement. En plus, elle se fait battre. Hein. Faut savoir qu'elle se bat tous les soirs, mais elle aime ça. Voilà, Oh putain. C'est ça, j'ai dit soit tu restes avec nous, soit tu restes avec lui. Elle a décidé de rester avec lui, c'est qu'on est parti. Oh là là, c'est son choix. C'est pas une vie facile, hein, frérot. Ouais. Non, vraiment pas. Je veux dire, j'ai même été lancé en bas des escaliers parce que j'ai traité mon beau-père de con. Ah ouais? Voilà, pour te dire. Ah, ils t'ont jeté dans l'escalier? C'est compliqué, là. Ouais, mon beau-père, parce que j'ai traité de con. Putain, il est sympa, ton beau-père. Ouais. Il est accueillant. Ouais. Il m'a déjà frappé parce que je me suis pas couché à 19h. Enfin, il se couchait à 19h là-bas, avec, chez mon beau-père. Ça, 19h, on n'était pas couché. Ah, ouais, ça, 19h, on n'était pas couché, on se faisait frapper. Ah, ouais, 19h, c'est. Ouais, même, même été, hein. Ou... C'est même pas TPMP, tu dois te coucher quoi. C'est même pas couché à 19h. Ah, ben, TMP, ça n'existe pas ici. Ah, ouais. TMP, ça n'existe pas ici. Ah, tu connais, c'est non. Putain. Et ben, ouais, ben, je connais, ouais, ben. C'est sûr, je connais, il y a les réseaux sociaux. Hein. Ah ouais, mais non, bien sûr. Putain, c'est rigolo, hein, mec. Eh ben, je suis content de t'avoir rencontré, ouais, en tout cas. Ouais, merci. Hey, je pourrais avoir un poster. Ah, bien sûr, avec plaisir. Ouais. Attends, okay, merci. Je vais t'envoyer un poster avec plaisir. À mon avis, tu vas mettre une semaine, ouais, à le recevoir, mais ouais, je vais te le faire demain si tu veux, d'accord? T'inquiète. Ouais, tu sais, les autocollants ben, que tu vends sur ton Play Shop, quelque chose comme ça, là, ouais. Ben, moi, ils veulent pas l'envoyer au Canada. Ben, vas-y, je vais te l'envoyer moi, je vais te faire une enveloppe moi-même. Okay, c'est bon, merci. Vas-y, je te fais ça demain. Je t'embrasse, mon poteau. Merci beaucoup. Hein. Merci. Gros bisous à toi. Alexandre du Canada, là, qui est avec nous du Québec. Gros bisous à vous, les gars. 22h demain, on se retrouve demain, les pervers. Ouais, ah oui, on fera les cousines du monde. On avait fait trop délirer la semaine dernière. À demain, j'ai stagiaire. À demain, Guillaume, salut. Bonne, nuit. Bonne nuit, les mecs. Et merci d'avoir été là. Bon courage pour les recours demain, pour la reprise du boulot, etc. Je vous embrasse très fort. À demain, Guillaume Sandard. À demain, Guillaume, bonne nuit. Bonne nuit, Julia. Bisous, tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit, Flo. Bonne nuit, Guillaume. Bonne nuit, tout le monde. Dormez bien, les gars. Et demain, 22h, minuit, sur Énergie, comme chaque soir. On se fera Sopra, on se fera Gims. Avec Jules, Boucan, tout ça, on se fera tous les gros morceaux. Et je vous laisse avec Mickaël. Est-ce qu'il m'entend, Mickaël? Est-ce qu'il m'entend? Ouais, je suis là. Il m'entend, il m'entend pas. Si, je suis là, bah si. Il m'entend pas. Mais si, il m'entend sur le bouton. Il m'entend pas, il m'entend. Tu m'entends pas? Non, il m'entend pas là. Non, il m'entend pas. Oh là là là là. Ah là là, il m'entend pas. C'est Jim qui écrit la vanne ou quoi? Oh! Le pauvre, il dit rien, il se passe. Ouais, je t'ai manqué un week-end. Je vais t'envoyer une photo aussi. T'en parles pas non plus. J'adore. Après, tu ouvres la bouche, tu parles de moi. Il est content, il a fait sa vanne de l'année là. C'est un amour vache, mais l'amour est là quand même. Je le sais. Hein. Qui aime bien, châtie bien. Bon, bah écoutez, éclatez-vous bien, quelque chose de prévu ce soir ou pas de quoi là? Ce soir, je sais pas, on verra bien. Parce que les gens appellent et puis on verra. Ah bah très bien, ouais, ok. Voilà, bah, tout simplement. À l'ancienne, bah, vous avez raison. Et bah, exactement, écoutez, ouais. Et bisous à toute l'équipe alors. Salut. Bon bah ça roule. Allez, on est quand même déçu de ne pas avoir entendu un missile de polo sur Jim Sandard. Il se garde pour demain là. Ouais, ah bah vas-y. Et bah à demain. Je stick le missile. Voilà. Vas-y, astique. Ouais. Même par soir, c'est trop compliqué. Il y a une différence avec GM, c'est la qualité et la quantité. Il a pas compris la différence. Il attaque. Allez, bisous les gars. Ciao les gars. Bonne nuit, à demain. C'est la rentrée. Tu regrettes déjà tes vacances? Tu étais tellement bien. Le sable chaud, les terrasses, le soleil, les bikinis, les jolies filles, les balades, la nature. Mais tout ça, c'est terminé. Même ton bronzage est en train de se barrer. C'est normal. C'est la rentrée. T'es pas bien. T'es pas heureux. Tu vas rentrer pour travailler. C'est comme ça, t'as pas le choix. Y'a le métro, les heures de pointe, les bouchons. Tu vas râler. Tu veux tout plaquer. T'es fatigué. Fatigué. C'est normal. C'est la rentrée. Y'a l'école, les nouvelles têtes, te lever tôt. Y'a le boulot. T'étais pourtant si bien, zen et reposé. Tu t'ennuies déjà. Normal, c'est la rentrée. Tu ne penses qu'à une chose, à tes prochaines vacances. Mais prends ton temps, c'est dans longtemps. Pour le moment, c'est la rentrée. En attendant, y'a Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. Eh oui, on est là. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. En pleine forme. On a passé un bon week-end. Enfin, en tout cas, moi, c'est plutôt bien passé. Hein. Polo a passé un bon week-end? Oui, ça va. Oui, ça va. T'as été au ciné? Non. Ah bon, bah, comment ça se fait? Bah, parce que j'avais envie de rien faire ce week-end. Ah ouais? Je me suis posé comme ça, tranquille, là, les pieds en éventail, là, sur les bords de Seine. Non, c'est pas vrai. J'ai rien fait. Non, mais vraiment rien. T'as même pas été sauvé la veuve et l'orphelin? Ah non, il faut pas déconner. Ah, pas tous les jours, quoi. Bah, pas tous les jours, évidemment. Évidemment. Amina, passe un bon week-end? Non, à chier. Bah, qu'est-ce que t'as fait? Bah, écoute, j'étais avec une copine qui est en dépression parce que c'est pas quoi. Quelle horreur! Comment larguer mais son mec? Non, mais alors, le meilleur truc, c'est quand t'as un copain ou une copine qui arrive en dépression. Oh, dépression, tout de suite, les gros mots. On se comprend. Ouais. C'est genre, tu fais le mort. Et tu vois le message. Oh! J'ai vu le message il y a deux jours. Oh, je suis désolé. Quel salaud. Ça va mieux? Oui, c'est bon. Hop là, t'as économisé ton week-end en l'occurrence. Oui, mais j'ai des copines psychopathes qui te harcèlent, tu vois. Mais vire-les, envoie-les chez Toff. Non, mais elles sont déjà venues chez moi. Hein. Non, mais envoie-les chez Toff. Non, c'est dangereux. Mais non, t'inquiète pas, j'en prendrai soin. Oui, t'inquiète pas, c'est un rebelle, Toff. Hein, c'est, c'est un guerrier. Bah, évidemment. Ah, tu pars. Tirer un coup, il est prêt à les écouter pendant des heures. Ah, bah là, ça c'est clair. Bon, Toff, qui va faire de nouveaux appels mal intentionnés ce soir? Ah, bah évidemment. Ah, bah j'espère. Moi, j'accumule mon poutou sur le cul de ta mère, fils de pute. Ah, ça nous a fait l'autre semaine, la semaine dernière. Et ta mère la pute, là, qui va faire tes courses en crampons, espèce de fils de pute. Elle s'appile comment, là? Chante à ta mère, là. Tu vas me péter les couilles, là. Voilà. Eh oui, toute cette poésie qui démarre cette nouvelle semaine. Oh là là là là, oh magnifique. Là là là. Bon, et Seba au standard qui a passé un bon week-end. À l'aise, à l'aise. J'ai fait du muscle. À l'aise. Tu partais en soirée, hein. Bah ouais, j'étais en soirée. T'avais tout des ça. Salopes, là. Voilà, mais t'as rien baisé. Bah à part ma main, non. Eh, j'observe. En train de nous d'ailleurs, Polo qui était très très très déçu que tu n'aies pas invité à ta soirée ce week-end. T'as pas invité? Mais non, non, et à chaque fois il dit ouais, je vous invite, et puis t'en parles plus. Ça fait 3 ans que je l'ai invité. J'avoue, moi non plus. Voilà, sérieux, pour pas payer sa place. Et pauvre con, bah, à chaque fois que tu m'invites, tu me dis ah, faut venir à la prochaine parce que celle-là elle va pas être terrible. Voilà. Je vais niquer ta grosse gueule de bâtard. Voilà, tout ce qui va t'arriver. Bon, si vous voulez passer en direct ce soir, c'est pas compliqué. 01 40 71 5000, c'est le numéro du standard. Vous passez, vous appelez. Enfin, vous appelez, vous passez plutôt. Et si vous êtes en Belgique, vous faites le 02 703 007 1. On salue Caro sur le Twitter qui nous salue tous. Bonsoir à toute l'équipe. On va encore bien rigoler, j'espère. Ce soir en plus, on va se faire le chéri, je peux te faire cocu avec une PS4 à gagner si vous voulez vous inscrire et piéger votre copain ou votre copine. Faites aussi le 01 40 71 5000. Il y a Benko du 42 qui dit bonsoir à l'équipe de la Light. Une soirée de délire qui commence. Top. Salut. Je t'emmerde et je t'encule dans l'autolib en fin de poubelle. Voilà, le message est passé. C'est trop gentil. Voilà de quoi bien démarrer la soirée justement. Là, avec ça aussi, on va se mettre pas mal. On va saluer également Jimmy qui est avec nous à Tours. Salut Jimmy de Tours. Salut, ça va? Oh là, ça va et toi? On dirait, que va, ouais. On dirait que tu imites quelqu'un qui imite un jeune. Salut, ah non, je parle pas fort parce que ma mère va me niquer. Ah d'accord, ok. T'as peur de ta mère? Putain, là. Elle va t'engueuler parce que niquer, c'est un peu violent, mec. Ouais, elle va pas te défoncer, elle va t'enguirlander. T'enguirlander, voilà. te chahuter. Ah oui, bah alors lui, il va t'enguirlander deux fois plus, c'est ça? C'est ça. Voilà, très bien. Bon, t'as passé une bonne journée, t'as quel âge, Jimmy? 14 ans, et qu'est-ce qui t'arrive? Qui est à l'école demain? Ah ouais. Rien. Il t'arrive rien. Eh ben, écoute, j'ai envie de te dire tant mieux. Tu nous appelles pourquoi du coup alors On est content que t'aies rien. Bah, trop, oui, c'est non, ça, non, mais c'est vrai. C'est parce que je voulais vous raconter une histoire en fait qui m'est arrivée il y a un an. Et on s'en bat les couilles. Non, on rigole. Oh là là. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, Jimmy? Enfant de poubelle. Tu mets déjà un coup de pelle à Toff. Merci, c'est très gentil. Avec grand plaisir. Ce pauvre Top, il a rien fait pour nous. Non, en plus, il le mérite. Si c'est pas maintenant, c'est certainement pour une autre raison. T'as raison, c'est vrai. T'inquiète pas, et sinon, on le sait pas, lui, il le sait. Bon alors, tiens, il y a Vincent qui dit pas d'émission ce soir. Bah je suis des cotons-tiges, Vincent, parce que là, je veux dire, Vincent le Vaillant sur Twitter, on est là, hein. Le sourd, tu devrais changer ton nom pour sourd. Voilà, c'est ça, Vincent le sourd, exactement. Bon alors, donc Jimmy, qu'est-ce qui t'est arrivé alors? Alors en fait, tu vois, je faisais du sport, du BMX, et tu vois, je faisais des backflips, donc j'en ai fait deux, ouais. Et j'ai tenté un troisième. Et en fait, je me suis ratamé, je me suis tapé tout le côté droit, je me suis cassé la jambe et le bras. Ah merde. Et du coup, bah voilà. Mais c'est ça quand on sait pas faire. Mais oui, mec. Pourquoi vous apprenez pas petit à petit? T'es pas Matt Hoffman. Voilà. Vous croyez quoi, que t'allais sauter comme ça? Et après, vous allez faire comme Polo, vous allez vous prendre pour un rider au ski, vous allez vous péter les côtes, et puis voilà. Et puis voilà, retour au bercail. Ah alors oui. Que vous faites tranquillement comme Toff qui fait du ski depuis 20 ans et ça y est, maintenant il y arrive. Tranquille, pépère. Jimmy, je parie que t'es monté à peine sur le BMX, t'as voulu absolument faire le malin, t'as voulu ça faisait au moins un ou deux ans que je faisais. Mais rien, 1 ou 2 ans. C'est peu. Non, mais franchement, c'est peu, 1 ou 2 ans, cela dit. J'ai réussi le double, en fait. Du coup, j'ai essayé le triple, et voilà. Ah bah, ouais. Franchement, 1 ou 2 ans, c'est pas mal déjà le double. Hein. Et en plus, est-ce que t'avais des protections, des bouillères, tout ça? Non, il n'y a pas de protection. Ah, mais c'est un casque élégant. Ouais. C'est déjà pas mal. Mais... déjà, tu te mets des protections. Est-ce que parce que les mecs, tu sais que les pros, en fait, s'entraînent sur des cubes de mousse, hein. Ouais, je sais. Ouais, et t'avais pas de cube de mousse, toi? Ah non, lui, c'était directement sur le béton, toi. Bien lui, sûr. S'est dit le bitume, c'est mieux. D'ailleurs, il est béton. Qu'est-ce qu'il y a, Bénin? Non, c'est hilarant. Ah bon, je te remercie. Les mecs, ils ont 25 ans d'expérience. Du coup, si vous connaissez maintenant, je fais de l'UFC. Ah oui, tout dans la délicatesse. En fait, tu peux pas faire de l'UFC, c'est comme si tu disais je fais de. Non, tu roules la voiture? Non, je fais de la Renault. UFC, c'est une marque, tu fais du MMA. Ouais, du MMA. Voilà, ouais. Voilà. Ah, donc tu fais que des trucs, des sports un peu bizarres, toi. Pour ceux qui connaissaient pas le MMA, du coup, j'essaie de trouver le terme du pro pour vous le dire. D'accord, ok. Bon, attends, Jimmy, reste avec nous 2 secondes. Dites-nous si vous vous êtes déjà pété des trucs en faisant du sport. 01 40 71 5000, vous envoyez Mickaël et votre message au 612 pour passer en direct à l'antenne également. Ça fait plaisir de vous réécouter, c'est Gaylord du 27. Salut Gaylord. Salut Mickaël, il y a moyen d'avoir des cadeaux ce soir. Oui, on file l'iPhone SE ce soir sur le Facebook de l'émission. Si vous voulez tenter votre chance, on fait un tirage au sort comme tous les jeudis. Hein, on lance le jeu le lundi soir, on tire au sort le jeudi. Si vous voulez jouer avec nous, venez nous rejoindre sur MIKL officiel. Venez taper donc la discute. Dites-nous simplement avec qui vous avez tendance à discuter. discuté le plus longtemps dans vos connaissances. Vous mettez ça en commentaire sur la photo avec l'iPhone SE et je tirerai au sort un des commentaires jeudi soir et l'iPhone sera pour vous. Voilà, vous venez nous rejoindre facebook.com, vous tapez MIKL officiel. On va s'écouter le son de Ken Jones tout à l'heure avant 1h du mat. I say. Voilà, il y aura Koums également. Je mettrai Gnash, balade tranquille. Et il y aura Jonas Blue. Chérie, je peux te faire cocu à suivre également. Et puis on va démarrer là ce premier son ce soir avec celui de Feder et Alexa Yono. Il est 00h15, c'est Mickaël sur NRG. On est en direct jusqu'à 4h du mat, comme tous les soirs. 01 40 71 5000. Passez une bonne nuit tout le monde. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. I tell them, don't go. We love, that's my place. There's nothing to it. I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, sure, everyone will know, sure, we will be the ones that hold the highest truth. Sure. And once we run the show, sure, everyone will know, sure, that we will be the ones that hold the highest truth. In my heart, a rain of light that lights up the dark. When I step to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, sure, everyone will know, sure, that we will be the ones that hold. Sur énergie, passez une bonne soirée tout le monde. Si vous voulez passer en direct à l'antenne avec nous, 01 40 71 5000, vous bougez pas, on se met la pub rapidos et on revient juste après en direct sur énergie, comme tous les soirs d'ailleurs, hein, 01 40 71 5000. Mickaël et votre message, envoyez ça au 612 et tous les messages sur Facebook, Twitter et Instagram avec le hashtag Mickaël. On va lire tout ça juste après la pub, bougez pas, on revient. Mickaël sur énergie, toutes les nuits de minuit à 4h. 01 40 71 5000. Ça s'est passé chez Koï sur Énergie. Voici des questions pour Dayeuve. Écoutez-moi bien. Que signifie avoir de gros boobs? Est-ce que c'est avoir de gros boobs? Oui, boobs. D'après vous, Charlotte, avoir de gros boobs? D'après moi, c'est des gros seins. Bravo. 19h-22h sur Énergie. Hey, salut, c'est Koé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu héros, non? Ouais, ça fait déjà jaloux, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur.